Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue à ce nouveau mardi de l'espace. On est ravis de vous avoir. Ravis de vous avoir aussi nombreux. Tu vas bien, Xavier ? Très bien. Super. Ce soir, c'est Paul de Brême qui fait la soirée belle. Au piano, c'est moi-même. Au son, c'est Raphaël. Eh oui. Avec Francis Rocca et Philippe Lognonnet, nous allons faire de l'art. Nous allons écouter battre le cœur de battre le cœur de battre le cœur de Mars. Battre le cœur de battre le cœur de battre le cœur de Mars. Battre le cœur de battre le cœur de battre le cœur de Mars. Battre le cœur de battre le cœur de battre le cœur de Mars. Merci. Ça faisait 40 ans qu'on attendait ça, un sismomètre à la surface de Mars. Ça n'était pas arrivé depuis les sondes Viking en 1976. Et c'est vrai que quand on pense à l'exploration de Mars, on pense plutôt aux questions de est-ce qu'il y a de la vie à la surface ? Est-ce que la planète a été habitable ? À quoi ressemblait le réseau de rivières ? Est-ce qu'il y a eu des mers, des océans à la surface ? Et c'est vrai que l'étude de la structure interne de la planète rouge est un petit peu passée au second plan. Eh bien, cette injustice est en train d'être réparée grâce à InSight, donc une sonde américaine qui a décollé en 2016 et qui a surtout, pour ce qui nous concerne, 2018. Qui a décollé en 2018, pardon, et qui a déposé SACE, donc l'instrument français sismomètre à la surface de la planète rouge, un véritable petit bijou, le premier sismomètre de ce type qui fonctionne à la fois basse fréquence, haute fréquence. On va vous expliquer ça. Il s'est posé en novembre dernier. C'était donc il y a 4 mois. Alors pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps pour envoyer un sismomètre à la surface de Mars ? Comment est-ce que cet instrument qui est français est devenu l'instrument principal d'une mission américaine pour le coup ? Donc comment est-ce qu'il a été sélectionné ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre grâce à lui, sur l'intérieur de Mars? Eh bien, pour explorer ce sujet, on a le plaisir d'accueillir deux des initiateurs de cette mission. C'est Philippe Lognonnet et Francis Rocard. Francis Rocard, prenez un micro et dites-nous exactement qui vous êtes. Comment vous présentez ? Alors, moi, je m'occupe des programmes d'exploration du système solaire. Et donc, sachant que le CNES ne fait pas de mission d'exploration du système solaire, on n'en a aucune sur les 200 qui ont été lancés, mais par contre, on contribue à un grand nombre de missions d'exploration du système solaire, américaines, japonaises, peut-être chinoises, et évidemment européennes. Donc, mon rôle, c'est de mettre en musique ce que la France va faire dans ses missions et faire en sorte que mon directeur signe le chèque pour fabriquer ce qu'on va faire. Donc quand il s'agit d'explorer le système solaire et qu'il y a un instrument français à bord, on sait que Francis Rocard est de la partie. Et Philippe Lognonnet ? Alors donc je suis Philippe Lognonnet, je suis professeur à l'Université de Paris Diderot et chercheur à l'Institut de physique du globe de Paris. Et pour faire simple, je suis celui qui tend des embuscades à Francis Rocard pour qu'il signe des chèques. Quand on est évidemment... Ça fait 20-30 ans que tu me tends des embuscades. Oui, mais donc à la fin, il a pris le plaisir de ne pas les déjouer. Et donc avec des collègues américains, européens, on a monté ce projet qu'on a proposé à l'agence, à la NASA. C'était en 2010 et après une première phase de sélection, on a été sélectionné pour un premier tour. On y croyait un petit peu, mais pas encore complètement. Et puis ensuite, on a été sélectionné pour la mission qui a été lancée donc l'année dernière et qui maintenant fonctionne admirablement bien à la surface de Mars. Admirablement bien. Vous voulez nous en dire un mot là de... Vous êtes content de votre bébé, de SAIS, de la manière dont et de ses performances? Alors, je pense que toute l'équipe ne pouvait pas rêver mieux aujourd'hui, après trois mois et demi après. C'est-à-dire on a 6 axes qui fonctionnent. tous les axes fonctionnent. Alors attendez, parce alors, que alors, là, donc je vais vous expliquer pour faire simple. Donc tout l'instrument fonctionne bien, même sur la Lune avec les missions Apollo, la moitié des sismomètres avaient un petit problème par-ci par-là. Là, c'est pas le cas, tout fonctionne très très bien. On a des très très belles données. La mission se passe très très bien. Donc malheureusement, il y a des problèmes sur un élément actuel qui doit encore pénétrer à la surface, à l'intérieur de Mars, qui est difficile. Alors c'est, mais on là reviendra vous, là-dessus. Là, vous parlez pas, c'est voilà. pas de SAIS que de vous parlez. SAIS. Voilà, vous parlez d'un mais, autre instrument. On va se concentrer sur SAIS ce cette soir. Cette expérience hein. fonctionne formidablement bien. L'expérience dont vous parlez, donc c'est SAIS. Est-ce que vous voulez nous dire un mot quand même de, parce que quand vous dites que ça fonctionne très très bien, j'aimerais bien avoir une idée de la sensibilité que vous réussissez à avoir avec un instrument comme le vôtre. Il s'agit donc de mesurer des vibrations, finalement. Qu'est-ce que vous arrivez à mesurer comme déplacement ? Alors je vais répondre à cette question juste après. D'abord, il faut toujours se demander à quoi ça sert. Et d'abord, pourquoi on est là ? On est sur cette planète pour essayer de voir à l'intérieur de la planète. Tout à l'heure, vous parliez de la question de l'habitabilité. Est-ce que Mars était habitable ? Aujourd'hui, on pense que peut-être que Mars était habitable, mais la grande question qui reste, c'est pourquoi Mars n'est plus habitable. L'important, finalement, c'est tout autant l'apparition de la vie, ça c'est un problème de chimie, que le fait que de temps en temps, la vie puisse se développer sur une planète qui reste habitable pendant des milliards d'années. Et l'objectif vraiment de cette mission, c'est d'essayer de comprendre comment une planète comme Mars, qui était habitable, aujourd'hui ne l'est plus. Ça, c'est l'objectif de grand niveau. Et donc, pour faire ça, on utilise un moyen de radioscopie à l'intérieur de la planète. Donc, on va essayer de faire des radios de l'intérieur, puisque c'est à l'intérieur que se trouve le moteur qui anime la planète. Et enfin, pour faire ces radios, on utilise les ondes sismiques des séismes. Évidemment, Mars n'est pas une planète très active, donc les séismes sont trop petits. Et donc, comme ils sont tout petits, le déplacement est tout petit. Et c'est pour ça qu'on doit être extrêmement sensible. Aujourd'hui, je dirais peut-être tout de suite, on détecte des vibrations du sol qui sont inférieures à la taille d'un atome. Donc vraiment des vibrations très très faibles ah oui. du sol de Mars. Quand on entend des choses comme ça, on a besoin de les répéter parce que les gens se disent « qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qu'ils nous racontent ? C'est pas possible. » Donc vous détectez des modifications de l'ordre de la taille d'un atome. Des vibrations Des vibrations. D'une amplitude Des vibrations du sol inférieures à la taille d'un atome, ou si vous préférez, des accélérations qui sont plus petites que celles que je viens de générer sur vous à cause de mon attraction gravitationnelle. Donc ça vous donne le niveau de sensibilité. S'il y a quelqu'un à côté de vous, vous allez pouvoir sentir avec votre instrument sa présence, ne serait-ce que grâce à son attraction gravitationnelle. Oui, alors disons que même si ça va être relayé dans les tweets, s'il y avait une sorte de martien volant qui volerait, et qui peserait 20 kilos et qui arriverait à 1 mètre comme ça, tranquillement près du sismo, on arriverait à le détecter. Bon, donc on arrive à détecter des accélérations très très faibles du sol. Et ça, c'est le côté extraordinaire de l'instrument. Ah oui. D'ailleurs, Philippe est extraordinaire pour vendre un sismo pour l'habitabilité. Moi, je trouve ça remarquable parce que ça n'a rien d'évident. Mais il le fait très bien. On comprend pourquoi vous avez été séduit. Voilà, mais il a fallu une vingtaine d'années quand même pour me séduire. Je ne suis pas comme ça. Bon, anyway. Non, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce sismo est ultra sensible. Et en plus, il est very broadband, c'est-à-dire qu'il est large bande. Un séisme, c'est ça, hein, c'est inerte, c'est une seconde de période, ou voire un peu plus. Et nous, on va dans les basses fréquences, donc des longues périodes de 100 secondes, 1000 secondes, que sais-je encore. Pourquoi ? Parce que ce que Philippe a fait en se levant, on va le faire avec Phobos. Et comme Phobos va nous passer au-dessus de la tête tous les 7h40 minutes à peu près, je ne sais plus, on va mesurer une gravité négative, on va l'intégrer sur 2 ans, et on va mesurer ce qu'on appelle la marée de Phobos. C'est un signal extrêmement faible, mais c'est tout l'intérêt du VBB pour faire ce type de manip. Donc il faut rappeler que Phobos, c'est la Lune, hein, c'est une des deux lunes de Mars. C'est la plus proche. La plus proche. Et Deimos, on n'est pas capable. Deimos, c'est trop loin, ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc on est capable avec cette. Alors donc on a, oui, comme le dit très bien Francis, on a ces vibrations, ces séismes qui sont à haute fréquence. Hein, on est capable de les détecter, mais aussi cette espèce de marée qui arrive toutes les 7 heures grâce, enfin avec Phobos. Donc c'est très spécifique, c'est très particulier à votre détecteur, ça. C'était pas donné d'avance. Bon, donc donné d'avance, et oui, entre guillemets. Rien n'est donné d'avance dans le spatial, mais... C'était pas off the shelf, c'est ça que je veux dire. Voilà. C'était pas sur étagère. Bon, l'idée est finalement assez simple. C'est qu'on envoie un instrument comme ça sur Mars tous les 40 ans. J'espère que le prochain sera envoyé dans moins de 40 ans. Mais disons qu'on l'envoie toutes les quelques dizaines d'années. Et donc, c'est assez logique, à chaque fois qu'on essaie d'envoyer un instrument comme ça, on envoie ce qui est de meilleur de la technologie du moment. Cette idée de capturer la totalité de l'information sismique, c'est une idée qui est apparue dans les années 80. Dans le passé, on utilisait plusieurs instruments pour faire plusieurs types de sismologie, la sismologie courte période, moyenne période, la gravimétrie, tout ça c'était fait avec des instruments différents. Aujourd'hui, on a les moyens d'avoir un seul instrument qui fait tout ensemble. Et la deuxième idée, le point important, c'est que on va sur Mars pour découvrir la sismicité de la planète. Et donc, évidemment, on essaye de faire de la science, même si on n'a pas beaucoup de séismes. Et donc, faire de la science sans séisme, ça veut dire faire de la science avec ce qui reste. Phobos qui tourne autour de Mars, c'est une des choses qui crée du signal. L'atmosphère de Mars, c'est une autre chose qui crée du signal. Et donc, on a ce capteur qui essaie d'enregistrer, en fait, toute l'information qu'il est capable de mesurer. Donc, Phobos tourne. Pour vous donner l'idée, dans les années 1930, Jeffrey a fait la même expérience sur la Terre avec des instruments des années 1930. Il a utilisé la Lune pour déterminer la taille du noyau de la Terre. Donc nous, on va essayer de faire la même chose, de déterminer le noyau de Mars avec l'attraction de la petite Lune de Mars qui est Phobos. Passez ce regard. Je voulais dire que si vous regardez la slide 13... Eh ben on y va. Vous avez uniquement pour Mars toutes les tentatives qui ont été des échecs de Philippe pour mettre un sismo sur Mars. Donc on va page 13, hein, vous avez un petit document sur vos tables, vous référez à la page 13, ouais. Et à cela il faut rajouter les missions, parce que Philippe n'est pas trop regardant. Ça ce sont des missions qui ont été proposées par Philippe Lognonnet. Ce sont des projets dont certains ont été des missions approuvées, c'est celles qui sont en vert. Approuvé ne veut pas dire réalisé, ça veut dire au moins on commence sa réalisation. Et un des exemples, c'est Mars 96, sur lequel, donc, c'était pas lui, c'était Barbara Romanovic, qui était le PI de Optimise, le mal nommé. Optimise. Le mal nommé parce que la mission a terminé au fond du Pacifique. Donc, c'est pas de chance, mais ça a été un peu un échec. Et il y a eu d'autres projets. Au décollage, hein, c'était vraiment. Au décollage, ouais. Oui. Le Proton a pas bien fonctionné. Il a fait prout-prout au décollage et ça s'est mal passé. Donc. Mais par contre, il y avait des tas de projets, Marsnet, InterMarsnet, Impact, GEMS. Alors GEMS, c'est 06 de 2006, mais aussi Humboldt sur ExoMars, il y avait l'idée de le rajouter. Plus les missions Lander, on arrive à 16 tentatives. 16 tentatives. C'est, je dirais, il faut lui décerner une médaille à Philippe de la ténacité. Parce que je ne connais pas un scientifique qui aurait tenu comme ça 25 ans pour obtenir finalement d'avoir un sismo sur Mars. Déjà, on peut l'applaudir. Francis n'est pas l'homme que vous croyez, jamais le premier soir. Pour le séduire, faut 20 années, et Philippe en a marre. Alors, comme on a ces 16 missions que j'ai pour certaines en tête, et Philippe aussi, bien sûr. Ce que je peux vous dire, c'est qu'InSight est la configuration la meilleure qu'on ait eue à mettre en œuvre. Tous les projets antérieurs étaient dans des systèmes beaucoup moins performants. Là, on est dans un cas idéal. Toute la mission InSight est tournée autour du Sismo. On a quand même un bras, une grue qui est faite pour le Sismo. On a un chapeau chinois qui est fait pour le Sismo. On le pose au sol. Regardez le syndrome Viking. Quand on reste sur le lander, on mesure le vent. Donc, et par rapport au projet antérieur, notamment Netlander, que Philippe connaît bien, on était posé sur des airbags. Poser sur des airbags pour un sismologue, c'est un cauchemar. C'est une hérésie. C'est pas comme ça qu'on fait de la sismologie. C'est désastreux. Là, on est dans une configuration idéale, notamment pour les aspects thermiques, les aspects contact avec le sol. Or, la thermique, je vous rappelle qu'il y a une excursion thermique de pas loin de 100 degrés sur Mars tous les jours, entre le jour et la nuit. C'est énorme. Or, un sismo, on les met dans des caves. Pour avoir une stabilité. Sur Terre, on les met dans des caves. On les met dans des caves. Pour avoir une stabilité thermique. On ne veut pas que ça bouge. Un sismo, il ne faut pas l'emmerder. Il faut le laisser tranquille tout le temps au fond de la cave. Ben là, on lui met. Il a à peu près 3 protections thermiques successives pour arriver à réduire au maximum cette excursion de 100 degrés. Donc on est dans la meilleure configuration et je tiens à remercier beaucoup les Américains de nous avoir embarqués dans cette aventure parce que c'est. Moi, ce que je disais à Philippe, c'est. Ton sismo, c'est pas le problème. C'est qu'il faut trouver un gentil partenaire qui a 500 millions de dollars pour l'envoyer sur Mars. Ben, on l'a trouvé enfin. Alors, Philippe Lognonnet, vous êtes pugnace, vous êtes tenace. Qu'est-ce qui vous a fait tenir? Parce que Francis Rocard, quand même, vous décerne une médaille en vous disant « Je ne connais pas d'autres scientifiques qui n'auraient pas jeté l'éponge avant. » Bon, d'abord, il y en a au moins un autre qui n'avait pas jeté l'éponge avant. C'est mon collègue Bruce Bannert aux États-Unis. Et puis... je dirais qu'il y a aussi une communauté qui est derrière. Donc, que ce soit mon collègue américain ou moi, on est juste les porteurs d'une communauté. Donc, si cette mission s'est faite, in fine, une mission qui a coûté près d'un milliard de dollars pour les contribuables des différents pays qui ont contribué... si cette mission s'est faite, c'est qu'il y avait une attente scientifique énorme d'une communauté d'abord. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, malheureusement, la communauté française a beaucoup de perspectives en fait de collaboration, mais on reste un pays dans lequel on n'a pas des missions planétaires qui sont sélectionnées chaque année. Et donc, il faut répéter, s'améliorer, et puis de temps en temps, gagner la mission. Beaucoup de ces missions, en fait, se sont arrêtées parce qu'elles n'étaient pas encore assez prêtes. Et ça, c'est l'autre point important, c'est que l'échec dans la culture américaine, en fait, est une preuve de succès à venir. Donc, ce n'est pas du tout un échec du présent. Parce qu'au fond, vous saviez très bien qu'une mission Sismo allait arriver un jour. Souvent, ce que je dis à mes étudiants ou ce que je dis aux jeunes scientifiques, c'est que la seule façon de tuer une mission spatiale qui est scientifiquement importante, c'est de la faire. C'est aussi la meilleure chance de faire en sorte qu'elle voit le jour et pas de la tuer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que soit une question scientifique mérite d'être posée et on doit y répondre, et dans ce cas-là, on fait la mission, soit la question scientifique n'est pas importante au vu de l'enjeu financier en fait, qu'il faut pour la réaliser. Donc, vous pouvez imaginer qu'il est assez logique, on peut imaginer que c'est assez logique que les agences exigent de l'entêtement, une constance, avant d'investir les sommes qui sont nécessaires pour aller sur Mars, aller sur la Lune ou aller un petit peu partout dans le système solaire. Alors, Francis Rocard, oui. Ça, c'est un beau discours. C'est bien, Philippe. Tu dis ça, ça prouve que ton moral est bien remonté. Mais je rappelle quand même que le problème de cette mission... Là, tu vas pas aimer ce que je vais dire, hein, Philippe. c'est que c'est le côté qui n'est pas très sexy d'exploration de Mars. Ah, c'est pas sexy ça, non, la Suisse. C'est pas sexy. C'est pas sexy. C'est pas sexy. Ce qui est sexy, c'est de rechercher la vie sur Mars. D'accord. Ça, un môme de 8 ans, il a les yeux qui brillent. On lui dit, on va chercher la vie sur Mars. Il a tout de suite compris, vous allez trouver les petits hommes verts, etc. Mais la sismologie, c'est compliqué. L'intérieur, à quoi ça sert, on ne le voit pas. Voilà, donc c'est compliqué. Vous n'allez pas produire d'images tellement. Et donc, ça a été un peu le poulie d'or pendant longtemps. Tous ces projets arrivés en compétition n'étaient pas forcément sélectionnés. Par exemple, sur ExoMars, il y avait un paquet géophysique Humboldt. Il a été débarqué dès qu'on a eu des problèmes. Voilà, donc boum, c'est le premier qui a sauté. Mais comme l'a dit Philippe, hein, il faut la faire, cette mission, parce que la troisième dimension, c'est la composition globale de Mars qui est en jeu. Si vous mesurez la taille du noyau, vous mesurez essentiellement du fer et du nickel. Donc vous connaissez la quantité de fer et de nickel qu'il y aura sur Mars, qu'il y avait sur Mars au début et qui s'est concentré pour l'essentiel au centre. Bon. Et on a besoin de cette troisième dimension, donc il faut le faire. Mais c'est une espèce de passage obligé qui n'est pas dans la ligne droite de l'habitabilité, de la recherche de la matière organique, de la recherche de vie ancienne. Je pense que si on regarde l'impact médiatique à InSight, on peut se poser la question justement de est-ce que c'est vraiment vrai que cette mission-là ne fut pas populaire ? Bon, j'ai un peu l'impression que l'impact a été extraordinaire. Et puis, je rappellerai à Francis quand même qu'on a eu le droit à un tweet du vice-président américain qui a rappelé qu'avec la géophysique, on allait redynamiser la NASA. Ah, alors, et il a dit ça ? Mike Pence ? Oui, oui, tout à fait. Très bien, très bien. Parfait, parfait. Moi, j'aimerais bien, avant de vous passer la parole, parce que vous savez, au Mardi de l'espace, je viens vers vous, je vous passe le micro et vous allez pouvoir discuter directement avec les intervenants. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de science avec vous en se reportant à la page numéro 12. La page numéro 12, c'est Mars, la structure interne. Et je suppose que là, il y a pas mal d'inconnus là, dans ces dessins, Philippe Lognonnet, Francis Rocard. Et c'est ça que vous cherchez à savoir ? Vous cherchez à savoir à quoi ça ressemble ? Notamment, il y a le dessin D et le dessin E qui n'ont pas l'air d'être exactement équivalents. C'est pour ça que je les ai mis tous les deux. Ouais. C'est-à-dire que sur le dessin D, on voit qu'il y a une graine, donc la boule centrale, c'est ce qu'on appelle la graine. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas du côté droit, du côté E. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, on ne sait pas exactement de quoi est con... Quel est l'enjeu, finalement, quand on se dit « je veux connaître la structure interne ». Bon, j'ai un collègue de l'équipe de l'IPG qui doit s'amuser tout de suite, Philippe Labro, voilà, qui est responsable de communication de l'expérience. Donc, c'est lui qui fait parler l'expérience SAIS, sur lequel on a beaucoup débattu sur la graine. Bien. La question, en fait, c'est assez simple. C'est que aujourd'hui, Mars a une superbe Ferrari rouge en panne. Ah oui. Et donc, la question est de savoir pourquoi elle est en panne, pourquoi ses pistons ne marchent plus. Et en panne, c'est-à-dire quoi ? Il n'y a pas de volcanisme, il n'y a pas de tectonique des plaques. Ça a eu marché. Il n'y a pas de magnétisme. Ça marchait super bien, comme les Ferrari. Puis un jour, ça s'est tombé en panne. Il n'y a pas de champ magnétique. Là, peut-être, je vais me faire je vais avoir des problèmes avec un concessionnaire, mais bon. Donc, c'est tombé en panne, en fait, il y a 350 millions d'années, le volcanisme a disparu, le champ magnétique s'est arrêté, et toute cette oasis qui était un peu propice à un maintien de la vie a disparu. Et comme dans tous les moteurs, l'intérieur, le moteur est à l'intérieur de la planète. Pour plusieurs raisons, c'est que un moteur, c'est des pistons qui tournent. Donc, dans une planète, ces pistons, en fait, c'est ce qu'on appelle la convection dans le manteau. C'est ce mouvement de matière, en fait, qui vient des parties chaudes vers les parties froides. Ensuite, c'est aussi la façon dont la planète est isolée, c'est-à-dire la façon dont la planète empêche la chaleur de sortir. cette partie-là, cet isolant, c'est ce qu'on appelle la croûte de la planète. La croûte, c'est la partie, extérieure. Supérieure, hein. Donc sur cette figure, c'est alors laquelle parlez-vous c'est, là? C'est en gros l'écorce, si vous voulez, de la planète, hein, mis à part l'atmosphère. Oui, donc sur D, l'écorce la plus extérieure. Voilà, la c'est la croûte. Ce qui est le plus extérieur, là, c'est l'atmosphère, hein, donc vous qui avez, est transparente. Vous avez de l'extérieur à l'intérieur l'atmosphère, voilà. Ensuite la croûte, voilà. Ensuite le manteau. C'est ce qui est le plus épais. Le noyau, hein. Voilà. Et ensuite le noyau. Le noyau. Et peut-être une graine, mais peut-être une graine. Aujourd'hui, la graine est un petit peu, comment dire, un outsider. Chez les turfistes de Mars, on pense qu'il n'y en a pas. Donc ça, c'est l'impact de la croûte. La croûte, c'est aussi important. Pourquoi ? Parce que quand le volcanisme évolue, il a tendance à mettre des matériaux radioactifs dans la croûte, parce qu'en général, les laves sont riches en matériaux radioactifs. Et donc... En gros, tout le mécanisme d'évolution d'une planète se trouve à l'intérieur. C'est la façon dont le moteur fonctionne. Et donc, pourquoi est-ce qu'on essaye de déterminer l'épaisseur de la croûte ? Pourquoi on essaye de déterminer la taille du noyau ? Pourquoi on essaie de déterminer l'existence de discontinuités dans le manteau ? Tout simplement parce qu'on veut essayer de contraindre ce moteur planétaire. Et qu'est-ce que ça veut dire, contraindre ? Contraindre, ça veut dire connaître ses caractéristiques. Le mieux le connaître, c'est-à-dire... sortir d'un domaine de l'imaginaire qui est celui de la structure interne de Mars à un domaine qui est contrôlé par des données qui vous permettent de dire voilà, tel modèle c'est possible, tel autre modèle c'est pas possible compte tenu des données qu'on a. Et le dernier point, c'est que cet exercice là on va le faire sur Mars, on l'a déjà fait sur Terre avec tous les outils de la géophysique terrestre. Et donc, on aura deux planètes qu'on va pouvoir comparer. Une planète qui a réussi à maintenir, surtout à cause de la tectonique des plaques, un environnement propice. Et puis, une autre planète qui, elle, a perdu ça assez rapidement. Donc, évidemment, un sismomètre, ça ne va pas donner toutes les réponses. C'est pour ça que dans 15 ans, j'espère que des jeunes chercheurs prendront le relais pour demander aux successeurs de Francis de nouveaux chèques. Pour mettre un réseau, mais donc un sismomètre, ça va déjà commencer à faire avancer ce chemin et on pourra ainsi mieux comprendre pourquoi Mars, comme je disais tout à l'heure, était cette planète habitable qui a cessé de l'être aujourd'hui. Ah, je vous demandais juste quand même de faire bien ce lien entre le caractère habitable de Mars et le fait que tout se joue pour vous, enfin une grande part de l'habitabilité se joue avec ce qui se passe à l'intérieur de la planète. Quel est le lien ? Alors, d'abord, le lien, que les choses soient claires. Quand je parle d'habitabilité, ça ne sous-entend pas qu'il y ait de la vie ou qu'il y ait eu de la vie, d'accord ? On se limite à mon niveau, je me limite à mon niveau à, on va dire, une surface d'une planète où l'eau liquide peut être liquide. Voilà. Il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau et ce serait bien qu'elle soit liquide. Il faut qu'il y ait de l'eau qui soit liquide et on s'arrête là, d'accord ? Le fait que cette eau ait vu de la vie, ça c'est d'autres missions qui vont le faire. C'est des missions comme Mars 2020, c'est des missions comme ExoMars qui vont et des missions comme Curiosity qui se sont occupées de ce problème-là. Nous, on essaie plutôt de regarder le devenir de l'habitabilité d'une planète. Alors, pourquoi est-ce que le volcanisme est important ? Sur Terre, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 50 millions d'années, le volcanisme terrestre envoie dans l'atmosphère terrestre un bar, c'est-à-dire l'équivalent de notre pression atmosphérique de gaz carbonique. Et si on n'avait pas la tectonique des plaques, ça fait très longtemps en fait que la Terre serait devenue Vénus. Donc sur Mars, c'est-à-dire qu'on sait, une planète extrêmement chaude, c'est-à-dire une planète très très chaude, 500 degrés, où ce débat n'aurait pas lieu parce qu'il n'y aurait plus personne pour le faire. Il n'y aurait pas de liquide d'ailleurs. Et peut-être même il n'y aurait jamais eu personne qui puisse le faire un jour. Donc sur Mars, la problématique est différente, c'est-à-dire que le volcanisme martien a maintenu une sorte d'atmosphère sur Mars. Et quand ce volcanisme s'est arrêté, c'est à partir de ce moment-là, disons que l'atmosphère n'était plus là, quand le volcanisme n'était plus assez fort pour refroidir le noyau. C'est à ce moment-là où le champ magnétique a disparu. Donc on a encore une fois cette idée que le moteur s'arrête. Et comme le moteur s'arrête, la surface de la planète n'est plus propice pour maintenir de l'eau à l'état liquide. Bon, Philippe, il y a une chose sur laquelle tu as un peu simplifié, c'est le lien entre arrêt du champ magnétique et arrêt du volcanisme. Là tu as quand même fait un raccourci un peu short. Oui. Attends, laisse-moi parler. L'arrêt du champ magnétique, c'est... Il est très bavard, hein, Philippe, faire très attention. Hein. C'est 3,9 milliards d'années à peu près. C'est la grande transition entre l'antérieur qui était un Mars habitable et peut-être habité, ça reste à démontrer. Et ensuite, le début de la phase vers le désert glacé. C'est vers 3,9-4 milliards d'années que tout s'est joué. Et pour une raison assez curieuse, c'est également le grand bombardement tardif. Donc est-ce qu'il y a un lien ? Ça reste à démontrer. C'est peut-être une simple coïncidence. Bombardement tardif, c'est un moment où d'astéroïdes sont tombés. Voilà. D'ailleurs que Alessandro Morbidelli, qui a fait un modèle qui explique le grand bombardement tardif, vient de recevoir la médaille d'argent du CNRS. C'est pas tous les jours qu'un planétologue ait médaille d'argent du CNRS. Et par contre, l'arrêt du volcanisme, c'est beaucoup plus, tu le sais très bien, mais c'est beaucoup plus long. Et même les coulées de lave les plus récentes, on dit qu'elles ont 10 millions d'années. Donc en fait, il y a eu une très très longue fin de ce volcanisme. Et c'est vrai. Alors après, je rajouterais que le lien entre la tectonique des plaques et le volcanisme est un lien intéressant. Et là, tu vas me corriger si j'ai une bêtise, mais la tectonique des plaques, qui est un peu le résultat de ces grands mouvements de convection sur Terre qui fait que les plaques se déplacent. Bon, elles ont été fracturées. Peut-être sur Mars, elles ne sont pas fracturées, donc elles ne se déplacent pas. Mais aussi, elles, finalement, elles facilitent le refroidissement de la planète. Alors que, comme tu l'as dit toi-même, une croûte, c'est une croûte isolante. Il n'y a pas de tectonique des plaques nulle part ailleurs. Il n'y en a que sur la Terre. Hein. Ça, c'est... Il n'y en a pas sur Vénus, il n'y en a pas sur la Lune, il n'y en a pas sur Mars. Donc probablement que le verrou isolant qui constitue la croûte a maintenu une certaine chaleur sur Mars un peu plus longtemps. Le grand problème de Mars, il ne l'a pas dit, mais il faut le rappeler, c'est sa taille. C'est parce que Mars est petite que ce refroidissement 4 pierres 2 et la chaleur étant dans 4 tiers de pierre 3, plus vous êtes petit, plus vous refroidissez vite. En gros, Mars a un volume 10 fois plus petit que la Terre, donc elle s'est refroidie beaucoup plus vite. Voilà. C'est très simple à comprendre. Et donc le lien entre le sismo et l'habitabilité, c'est quelque chose d'un peu compliqué, mais important. Bon. Dans les éléments qu'a dit Francis, en fait, je vais essayer de donner un éclairage un peu complémentaire. En fait, la première chose, ce qu'il faut bien voir, c'est que effectivement, Mars et la Terre sont très différents. Aujourd'hui, paradoxalement, la Terre se refroidit beaucoup plus rapidement que Mars. Le flux de chaleur, c'est-à-dire la quantité de chaleur qui sort de la Terre, est 5 fois plus forte par mètre carré que sur Mars. Non, mais sur Mars, il y a beaucoup de raisons. On a des très bonnes estimations du flux de chaleur quand même, parce qu'on a beaucoup de volcans qui ont chargé la surface de Mars, donc on sait où est-ce que la charge se... Je veux dire, on a des bonnes idées. Et disons que Je rappelle juste que HP Cube, c'est fait pour mesurer le flux de chaleur. Hein. HP Cube, c'est le deuxième gros instrument. C'est le système qui veut s'enfoncer à 5 mètres. C'est fait pour mesurer, et ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est de prédire le flux de chaleur. Donc, c'est vrai, on va passer d'une prédiction à une mesure. Mais quelquefois, les prédictions ne sont pas si fausses que ça. Et encore une fois, la barre d'erreur, c'est est-ce que c'est un facteur 4 ou est-ce que c'est un facteur 5 ? Mais c'est sûrement pas... est-ce que c'est un facteur 1 ? Alors, allons-y, parce que vous vouliez répondre à Francis Rocard. Donc, le point clé, c'est que nous sommes sur une planète très atypique. Et c'est surtout ça le message fondamental. Le message fondamental, c'est que la Terre, de par sa tectonique des plaques, est une planète qu'on ne rencontre nulle part ailleurs dans le système solaire. Ensuite, il se trouve que c'est la seule planète où il y a une vie intelligente. Est-ce que les deux faits sont liés ? C'est une possibilité, ça peut être une hypothèse. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est lié. Je pense que sans tectonique des plaques, il n'est pas possible à une planète de laisser un temps suffisant pour que la vie se développe en une entité pensante. Ça ne veut rien dire sur l'apparition de la vie. qui, encore une fois, on peut très bien se retrouver dans une configuration où, en général, la vie apparaît et, en général, la vie disparaît au bout de quelques centaines de millions d'années. Ce n'est pas complètement impossible. C'est ce que certains pensent ou espèrent sur Mars. Maintenant, pour revenir à ce qui s'est passé sur Mars, c'est qu'au début, il y avait un volcanisme très, très actif. Et donc, pour faire un champ magnétique, il y a deux façons de le faire. Soit vous refroidissez le haut, soit vous chauffez le bas. Et quand vous arrivez à refroidir le haut, et bien ce qui va se passer, c'est que vous avez de la convection du bas vers le haut. Et puis quand vous chauffez le bas, vous avez de la convection du bas vers le haut. En général, ça marche comme ça. Sur Terre, le chauffage par le bas, aujourd'hui, c'est la graine de la Terre qui le fait. Et sur Mars, ce qui s'est passé, c'est que le refroidissement du haut, il y a 3 milliards d'années, c'était le volcanisme énorme qui a conduit au grand volcan martien Tarsis, le plateau de Tarsis, Elysium, etc., qui l'a fait. C'est vrai que depuis 3 milliards d'années, c'était encore présent, le volcanisme était encore là, mais sans commune mesure avec ce qu'il y avait il y a 3 milliards d'années ou plus. Donc c'est vraiment cette question de l'évolution. Maintenant, il faut être modeste, hein, c'est pas avec un instrument de géophysique aussi performant soit-il qu'on va répondre à toutes les questions, mais disons qu'on va essayer de répondre à ces questions comme les sismologues terrestres l'ont fait sur Terre il y a un siècle. La tectonique des plaques nous a sauvé nos fesses. Sans elle, nous serions tous vénusiens devenus. Et si Vénus, elle est de l'amour la déesse, dans tous ces liquides chauds, nous n'aurions survécu. Je viens jusqu'à vous, je vous apporte le micro et vous pouvez discuter directement avec Philippe Lognonnet, avec Yves Rocard. Il suffit de... Oh, qu'est-ce que je dis, Yves? Ah, mais vous savez pourquoi je dis Yves? Tu dis Yves parce que mon grand-père a fait de la sismologie. Et oui, voilà. Parce qu'on en a parlé hier, exactement. Oui, on a parlé de ton grand-père hier. C'est peut-être un peu en dehors du sujet d'aujourd'hui, mais on a mis des appareils de mesure de sismologie sur la Lune à l'époque d'Apollo. On commence à le faire sur Mars. Est-ce que, à votre connaissance, il y a des projets sérieux pour essayer de voir ça sur d'autres planètes telles que Vénus ou Mercure, ou éventuellement des astéroïdes les plus gros comme Cérès, à moins que ce soit des satellites de Jupiter? Alors, pour essayer d'avoir une sorte de gamme de comparaison. Alors, donc des projets sérieux, il y en a. Il y en a eu un jusqu'aux dernières élections américaines, qui était un sismomètre sur Europe. Donc il y a un projet de la NASA qui s'appelle Europa Lander, dont l'objectif était de se poser à la surface d'Europe. Et effectivement, un sismomètre se trouvait à bord de cette mission. Et les nouvelles orientations de la NASA qui ont été annoncées la semaine dernière au LPSC, en fait, suggère que ce projet va être mis un petit peu en sommeil. Europe, c'est un satellite de Jupiter. Europe, c'est un satellite de Jupiter. La Chine, avec deux missions qui sont Chang'e 7 et 8, hein, donc qui vont être lancées autour de 2025, a clairement mis dans la charge utile de ces missions un sismomètre. Donc il y aura de la sismologie sur le programme chinois Chang'e. Ensuite, c'est un message pour le CNES pour qu'on finance le sismo. Non, je n'ai pas dit qu'il y aura de la sismologie française. J'ai dit qu'il y aura de la sismologie et je laisse au CNES, le choix de choisir le chèque ou alors le flambeau ou le fanion. Et enfin, il y aura un sismomètre qui est prévu dans la charge utile de la mission ExoMars 2020 qui est fournie par la Russie. Donc qui devrait compléter peut-être les mesures sismologiques sur Mars. Donc ça, c'est les projets, on va dire, qui sont soit en cours pour ExoMars, hein, soit planifiés pour les autres. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que depuis une dizaine d'années, on a commencé à faire de la sismologie sur Jupiter depuis la Terre en regardant les oscillations de Jupiter. Et puis, une chose assez extraordinaire, c'est qu'on s'est aperçu que les anneaux de Saturne, ça c'était c'est un résultat de la mission Cassini, que les anneaux de Saturne, un petit peu comme des disques micro-sillons, ont enregistré les vibrations de Saturne et permettent d'avoir des informations sur la façon dont Saturne vibre. Donc on commence aussi à faire, mais cette fois-ci d'une manière indirecte, de la sismologie des planètes géantes. Alors là, vous n'avez pas besoin de sismomètre, hein, évidemment. Et là, c'est une autre façon de faire de la sismologie, c'est-à-dire d'une manière indirecte. Maintenant, le reste, évidemment, il y a des idées pour faire de la sismologie sur les astéroïdes, sur des comètes, sur même de faire avec Kepler des observations de sismologie d'Uranus-Neptune. Bon, ça reste des projets. Quel intérêt de mettre un sismomètre sur un astéroïde ? Il craque, il bouge, il vibre. Alors, pour l'instant, l'intérêt principal de faire de la sismologie sur un astéroïde est du domaine de la gestion du risque des astéroïdes. C'est-à-dire, peut-être la grande question qu'on se pose, c'est quelle est notre capacité à transférer à un astéroïde de la quantité de mouvement qui puisse le faire défléchir d'une trajectoire où il irait rentrer en collision avec la Terre. Et dans cette problématique-là, on comprend assez bien que finalement, la façon dont le projectile va transférer de la vitesse, de l'accélération, et c'est ce que mesure un sismomètre, en fait, eh bien, cette question-là, en fait, est importante. Donc, ça permet de mieux quantifier, si vous voulez, la façon dont on pourrait éventuellement se prémunir d'un impact si ça arrivait. Alors évidemment, il y a d'autres façons qui est de regarder comment, après l'impact, l'astéroïde s'est déplacé, a changé sa trajectoire. Ça, c'est la géodésie qui le fait. Mais toute la dynamique, eh bien, c'est de la sismologie qui permet de le faire. Vous avez parlé de sismologie à propos de Saturne ou des anneaux. Enfin, plutôt, je suppose, de Jupiter ou Saturne. Est-ce qu'on peut parler à proprement, dans le sens plein du terme, de sismologie pour des planètes gazeuses ? Parce que pour les planètes telluriques, c'est comparable à la Terre, a priori. Les phénomènes sont différents, mais le concept est le même. Pour les planètes gazeuses, comment peut-on parler de tremblement de... Je ne sais même pas de quoi, sachant qu'à part un noyau plus ou moins solide au cœur de ces planètes, c'est quelque chose d'un peu gazeux, un peu impalpable. Je comprends. Je pense que la confusion, en fait, elle vient du terme sismomètre. C'est-à-dire que vous avez en tête l'idée de l'instrument qui permet de mesurer le déplacement. Mais il y a beaucoup d'autres façons de mesurer ce déplacement. On la mesure par des effets Doppler, par exemple. Et donc, il y a tout un domaine de la sismologie, c'est voir comment une planète bouge, vibre, si vous voulez. Donc, arrêtons-nous à l'idée qu'une planète vibre. Et ça, c'est la sismologie. Aujourd'hui, on fait de la sismologie du Soleil depuis 20 ans. Et cette sismologie du Soleil nous permet de voir la structure interne du Soleil. La même chose pour Jupiter, la même chose. Les outils sont les mêmes, mais l'objectif est le même. Les outils sont différents, mais l'objectif est là de voir la planète vibrer. Alors, je voudrais faire un petit complément. Quand il y a un satellite français d'astrophysique qui s'appelle Corot. Et Corot, c'était Annie Baglin qui était le responsable scientifique, a été vendu au CNES comme une mission d'astérosismologie, c'est-à-dire de mesurer comment l'étoile vibre, les étoiles. Et le but, c'était d'observer plein d'étoiles et de les regarder vibrer. Et d'ailleurs, la physique de vibration des étoiles obtenue par Corot a énormément enrichi la problématique de la structure interne des étoiles. Notre Soleil a une vibration à 3 minutes, je crois, mais les autres, pas forcément. Et cette mission, qui était, entre guillemets, pas très sexy, Annie Baglin s'est dit, tiens, mais on pourrait regarder les occultations des planètes avec. Et ce qui était devenu, ce qui était une espèce d'option supplémentaire que Annie Baglin avait mis dans sa propale, est devenu le cœur de la mission. Et c'est parce que c'était une mission de détection de planètes extrasolaires que finalement on l'a soutenue et qu'on l'a réalisée. Donc voilà. Mais effectivement, avec toute masse fluide comme une étoile ou une planète gazeuse vibre, et la façon dont elle vibre nous informe de sa structure interne, de sa composition, de, etc., etc. En l'occurrence, on regarde comment l'étoile vibre à travers la manière dont elle émet de la lumière. Hein, et donc, comme vous le disiez, on peut voir à ce moment-là si une planète passe devant, juste en étudiant la lumière de l'étoile. Ouais, et je vais compléter en fait ce qu'a dit Francis, c'est-à-dire que pour toute cette communauté qui va essayer de chercher des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour de Soleil autre que le nôtre, une des grandes questions, c'est de savoir depuis quand ces planètes existent. Parce que vous comprenez, encore une fois, on revient au problème d'habitabilité, etc., etc. Donc, si vous avez une planète qui a que 100 millions d'années, c'est peut-être plus difficile d'imaginer qu'on a des E.T. dessus que si la planète a 4 milliards d'années. Et donc, à la base, pour connaître l'âge d'une planète, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de connaître l'âge de l'étoile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que l'étoile vieillit, elle s'enrichit en éléments lourds. Et comme elle s'enrichit en éléments lourds, la façon dont elle vibre change. Aujourd'hui, la meilleure façon de déterminer l'âge d'une étoile, en fait, c'est de faire de l'astérosismologie, de faire de la sismologie de cette étoile. Et ça nous donne l'âge de l'étoile. Et donc, une fois que vous avez l'âge... On ne vibre pas de la même manière selon son âge. Oui, comme chacun sait, on ne danse pas de la même façon à 20 ans qu'à 80. Et c'est un petit peu la même chose pour une étoile. Je veux dire, une étoile jeune n'a pas beaucoup d'éléments lourds, alors qu'une étoile beaucoup plus âgée, comme elle a fait des éléments lourds avec sa nucléosynthèse, elle va vibrer d'une manière un petit peu différente que la jeune. D'autres interventions peut-être? Oui, une question qu'on m'a posée sur Twitter. On a parlé de CIS pour l'instant, mais ce n'est pas le seul instrument qu'il y a sur InSight. Est-ce que vous auriez quelques nouvelles de HP3? Je vais répondre comme vous le savez. Alors, je me permets de vous interrompre. Donc, on dit HP3 ou HP3. Alors, HP3, c'est un autre instrument qui a été fourni par... Est-ce que je me permets de vous interrompre? Si vous regardez sur la couverture, il n'y a pas de planche consacrée à HP3, mais si vous regardez sur la couverture, vous voyez sur la droite un instrument qui... Vous voyez à moitié parce que c'est coupé. Exactement, La sonde est plus bas. Voilà, la sonde est un peu plus bas. Et donc, effectivement, c'est cet instrument qui est sur la droite et qui donc s'enfonce dans les... Donc, de 5 mètres. Donc l'objectif de cet instrument est de s'enfoncer de 5 mètres pour laisser derrière lui tout un ensemble de capteurs de température qui permettent de mesurer la quantité de chaleur qui sort de la planète. Donc c'est un instrument qui a été déployé après le sismomètre et lors de sa première phase de pénétration, après 40-50 cm de fonctionnement, l'instrument a rencontré, des objets durs, a priori des cailloux, un lit de cailloux qui l'a empêché de poursuivre sa pénétration. Donc aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire que l'instrument fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il a cette capacité de donner des coups dans le sol. Il a rencontré un ou des obstacles qui l'ont empêché de s'enfoncer comme il était prévu qu'il le fasse. Et l'équipe allemande et le GPL est en train de regarder un petit peu les données qui sont disponibles. On a aussi, avec nos collègues allemands, analysé nos données de sismométrie pour essayer de voir comment on était capable de leur donner des informations sur l'obstacle rencontré. Dans les heures qui viennent, dans les 24 heures qui viennent, va y avoir de nouveau un fonctionnement assez court de l'expérience qui va être tentée. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que toute l'équipe GPL, du DLR et puis l'équipe du SISMO, en fait, on essaie vraiment de donner le maximum pour que cette partie de la mission puisse... aller à son objectif qui est 5 mètres de profondeur. Alors Philippe, je vais parler un petit peu parce que tu parles beaucoup. Voilà. Cet été, j'ai visité la Vénarment dans le parc national des Cévennes et j'ai posé une question idiote parce que je connaissais la réponse. Je leur ai dit, mais quelle température il fait dans la grotte? Et on m'a dit, bah, écoutez monsieur, vous savez très bien, il fait 12 degrés, été comme hiver. Parce que la température dans une grotte ne dépend pas de la température à l'extérieur, il y a ce qu'on appelle l'effet de cave. Et je dirais, s'il y a des grottes sur Mars, et c'est très probable qu'il y en ait, en fait, HPQ va mesurer la température dans les grottes martiennes. C'est ça, le flux de chaleur. Je vois qu'il fronce le sourcil, là. Qu'est-ce que tu vas me dire? C'est pas vrai, ce que je dis? Si, c'est vrai. Bon, allez, c'est vrai. Bah si. Bah si. Oh, il est pénible. Non, mais je je pense... Comment ça, c'est pas vrai? Non, je pense pas que la température d'une grotte dépend du flux de chaleur. Hein. Non, parce que le flux de chaleur, comme son nom l'indique, en fait, c'est la quantité... La mesure du flux... Il coupe les cheveux en quatre. OK, bon, d'accord. Il faudrait que la grotte n'ait pas, soit remplie. Donc, dans ce cas-là, remplie peut-être... De matière. Parce que, en fait, le point fondamental dans une grotte, c'est que la température du plancher est en contact thermique avec celle du plafond via l'atmosphère. Là, vous avez l'exemple typique d'un scientifique qui a une conductivité thermique qui n'a rien à voir avec celle des roches. Mais ça, c'est Philippe Lognonnier, ça fait 30 ans qu'on se connaît. D'accord. Bon, très bien. C'est pas grave. En gros, je maintiens ce que j'ai dit et il maintient ce qu'il a dit. C'est pas très différent parce que finalement, il coupe les cheveux en quatre, mais c'est la même chose. Bon, le résultat, c'est que moi, j'ai cru comprendre qu'il avait pénétré 30 cm. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai compris, c'est que quand vous avez une perceuse, vous avancez dans un sens, vous ne pouvez pas avancer dans l'autre sens. Ça veut dire qu'il ne peut pas ressortir avec son système de percussion vers le haut, ce n'est pas possible. Donc la question, c'est est-ce qu'on pourrait le sortir en... Comme, quand vous avez planté un piquet, vous voulez le sortir, ben vous allez un petit peu le gigoter dans le sol jusqu'à ce que vous pouvez le tirer dessus. Ça, ce n'est pas une affaire gagnée parce que le seul élément qui pourrait aller le toucher, c'est le bras. Et le bras n'est pas très costaud. Il est même très peu costaud. Il peut tirer quelques kilos, pas plus. Donc en fait, la situation est assez critique. Surtout qu'en plus, il est incliné de 15 degrés. Semblerait-il qu'il a commencé à prendre un biais. Donc c'est un peu triste parce que le risque, c'est qu'il ne pénètre jamais. Non, mais c'est vrai que la situation n'est pas facile. On est à quelle profondeur? 30 cm, c'est ça? Oui, en fait, en gros... Et on voulait aller à 5 mètres. En gros, on veut aller à 5 mètres. Pourquoi? Parce que le gros problème d'HPQ dans la configuration actuelle, c'est que les trois quarts de cet instrument sont dans le sol et le dernier quart est dans l'air. Et pour revenir, je suis désolé, à la comparaison de Francis, c'est que justement, le fait que le dernier quart soit dans l'air fout tout en l'air. Donc... 100% d'accord. Donc, c'est pour ça que dans une grotte, ça ne pourra pas marcher. Donc, il est un peu dans une grotte, justement. Donc, il faut qu'il aille sous le plancher de la grotte. Hein. Et donc, du coup, il a essayé de contourner cet obstacle. Et le gros problème, c'est que comme le dernier quart se trouve encore dans le tube, en fait, le tube porteur de l'expérience. La grosse question pour le GPL, s'ils n'arrivent pas à... ça sera de savoir, est-ce qu'on enlève le tube pour lui permettre de contourner l'obstacle, sachant que cette décision sera une décision sans retour. Si on enlève, c'est-à-dire quand vous avez la figure, vous voyez que sur cette figure, vous avez une partie qui reste à la surface. Oui. Et puis une autre partie qui allait à l'intérieur. Oui. Le problème, c'est que le petit tube là, qui va à l'intérieur, oui, a encore un quart du haut dans la partie de la surface. Et c'est là le gros problème, c'est qu'il n'est pas complètement Alors, enfoncé. Un obstacle, c'est quoi? C'est un rocher? Alors, un obstacle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur que du sable, pour D'accord. faire simple. Ça, ce n'était pas prévu. J'avais cru comprendre qu'on avait justement choisi cet endroit, ce site d'atterrissage, parce qu'on pensait qu'il y avait pas mal de régolithes. Plusieurs mètres Alors, de régolithes, c'est-à-dire de la poussière, finalement. C'est une mission robotique. Oui. C'est une mission robotique et il est vrai que la mesure de flux de chaleur est la mesure la plus complexe qu'on fasse en géophysique. C'est beaucoup plus compliqué de faire une mesure de flux de chaleur en géophysique sur Terre que de faire de la sismologie sur Terre. Et donc, c'était un pari extraordinaire. Je rappelle aussi que sur la Lune... une des deux mesures de flux de chaleur avec un astronaute et un outil opéré par un astronaute n'a pas permis d'aller beaucoup plus profond qu'un tiers de sa cible. Donc, y compris sur la Lune, ça a foiré avec des astronautes. Je voudrais rappeler donc que c'est compliqué. Chaleur, le flux de chaleur, donc on essaie de mesurer, c'est donc la quantité de chaleur qui est extraite, qui part, qui quitte la planète à tout moment. Le JPL, c'est le Jet Propulsion Laboratory donc, de la NASA. Et la DLR, que vous avez mentionné aussi, c'est l'agence spatiale allemande. Avec un institut de planétologie qui est à Berlin. Parce que c'est un instrument allemand. Moi, je voudrais qu'on vienne au déploiement, à moins qu'il y ait d'autres interventions, bien sûr. Mais on a toute une planche là sur le déploiement. Est-ce qu'on peut chercher là ? Dites-moi sur quelle page c'est le déploiement. Ah oui, non, d'abord le site d'atterrissage. On va aller page 3, si vous voulez bien. Site d'atterrissage. Comment est-ce qu'on a choisi ce site d'atterrissage, là, page 3 ? On voit qu'on a une site là sur la droite. On n'est pas loin de l'endroit où Curiosity s'est posé. On est, Donc les scientifiques ne l'ont pas choisi. Elysium planitien. La réponse rapide, c'est que ça n'a pas été choisi par des scientifiques. Ça a été choisi par l'équipe qui était responsable de l'atterrissage, c'est-à-dire du succès de l'atterrissage. Mais en prenant en compte quand même, j'espère, certaines de vos exigences, non ? Finalement, parce que comme vous remarquez sur cette... sur cette image que quasiment toutes les sondes qui se sont posées sur Mars sont soit dans les parties bleues ou soit les parties vertes, ce qui n'est pas par hasard, hein, c'est qu'elles ne sont pas dans les parties rouges. Et les parties rouges, elles sont tellement hautes elles sont si hautes que les parachutes ne vont pas fonctionner. Ensuite, il faut expliquer ça. Voilà. En d'autres termes, aujourd'hui, la technologie ne nous permet pas d'atteindre plus de 60% de Mars nous est inatteignable. Voilà. Comme on ne sait pas se poser au sommet des montagnes parce qu'il nous faut de l'atmosphère pour se freiner, aujourd'hui, l'état de l'art, c'est Curiosity, on se pose à l'altitude 0 km. Et l'ESA, qui est un peu moins performant, se pose à une altitude inférieure à moins 2 km. Ah oui. Tout ce qui est inférieur à moins 2, on sait y aller. Mais dès qu'on est au-dessus de moins 2, on ne sait pas y aller. Parce qu'on n'a pas assez d'atmosphère pour se freiner. Avec des parachutes. Donc, en gros, il faudrait mettre du noir sur 60% de la carte. On ne sait pas y aller aujourd'hui et on n'ira pas. Peut-être, et à mon avis, les hommes n'iront pas non plus, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc tout ce qui est rouge, en fait, est rouge. Donc, ensuite, c'est une mission qui utilise des panneaux solaires. Donc, il fallait qu'on soit pas très loin des tropiques, pour faire simple, entre l'équateur et les tropiques. Donc les tropiques sont un petit peu sur Mars comme sur Terre, vers une vingtaine de degrés. Là, on est à 5 degrés de latitude nord. Pourquoi pas au sud ? Parce que le sud, c'est rouge. Et puis enfin, quand tout ça a resté, on a essayé de trouver un endroit où il y avait un volcan pas très très loin. Et là, effectivement, ça a pu jouer un petit peu. Et le dernier point, c'est qu'il fallait... On voulait un volcan pas très très loin ? On voulait, mais ce n'était pas un point très très important. C'est Elysium qui est... Qui est le point en haut à droite, là, le petit point rouge. Et le dernier point, c'est que finalement, pour Juste une seconde, Philippe Lignonnet, qu'on comprenne bien. InSight, quand vous regardez l'image, juste au-dessus de InSight, il y avait une sorte de verrue. Enfin, en tout cas, de gros boutons rouges, c'est ça, hein, Elysium. C'est Elysium. On est à 1500 km d'Elysium. Il y a très peu de volcans sur Mars, mais ils sont extrêmement gros parce qu'il n'y a pas de tectonique des plaques. Et l'essentiel, c'est les trois volcans de Tarsis et Olympus Mons qui sont les trois points blancs et le quatrième à gauche de l'image. Et Elysium à droite. Après, il y a des petits, il y en a quand même quelques petits... Mais voilà, donc l'absence de tectonique des plaques fait que le cône alimente toujours la même zone et les volcans sur Mars atteignent 20, 22, 23 km d'altitude. Olympus Mons fait la taille de la France, je vous rappelle. Voilà. Et le dernier point, c'est qu'on voulait des terrains qui soient assez anciens pour justement favoriser HP Cube, c'est-à-dire avoir des endroits où il y avait beaucoup d'éjecta et pas des terrains récents avec des coulées de lave récentes. Et donc, pour faire simple, ça veut dire qu'il fallait que ça soit vert. Pourquoi ? Pour essayer d'avoir une sorte de régolithe, ce qu'on appelle un régolithe, c'est-à-dire un terrain qui est un mélange de gravier, de sable et de petits cailloux. Malheureusement, ce n'était pas forcément assez sablonneux pour HPQ. C'est terrible, ça. Juste une anecdote. Le cas de Beagle 2... Si vous prenez cette carte que vous avez sous les yeux, vous tirez à peu près un trait au milieu, c'est-à-dire au niveau de l'équateur, et vous repérez les points qui sont en dessous de moins 2, moins 3 km. En fait, le responsable anglais de Beagle 2, dont l'on m'échappe, qui s'appelait... Ça finit en on. Colin Pillinger. Ah non, pas du tout. Il avait le choix entre deux endroits pour aller sur Mars. Beagle 2, il faut rappeler, c'est une mission britannique. Un atterrisseur britannique. Un échec. À 99% britannique, c'est pas européen, c'est britannique. À bord de Mars Express, mission européenne. Et ça a été un échec. Mais mon point, c'est qu'il avait le choix entre deux endroits pour se poser sur Mars, parce que la contrainte en latitude était quasiment l'équateur, point barre. Et si vous regardez à l'équateur, il y a deux zones bleues. Il y a un peu à gauche d'Insight, c'est Isidis Planitia, c'est un grand bassin d'impact qui est rond. Et entre Viking et Pathfinder, c'est le deuxième endroit. Voilà. Il avait le choix entre l'un et l'autre, et il a choisi Isidis Planitia. Malheureusement, tout ça a échoué. Voilà, et bon... Quand est-ce qu'il fait sa chanson, lui? Allez, vas-y, Xavier. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je fus une star, je suis vieillissant. À force de vendre mes disques, je me suis enrichi. Trop d'éléments lourds c'est ma vie. Pour moi, il y a longtemps, c'est fini. J'étais une étoile dans la nuit. Et maintenant, j'attends de devenir une supernova. Voilà, merci. Et je prendrai ça comme un requiem pour Colin Pillinger. Qui malheureusement est décédé. Et en fait, hein, dans les financeurs de Beagle, il y avait un groupe de rock en fait qui avait conduit un petit peu à rendre Beagle tout très populaire. Voilà. Je voudrais dire un mot sur la planche 2 et la planche 3. Il y a des choses un peu intéressantes à dire. Bon, la trajectoire. Ça, c'est planche 2, ça. C'est la planche 2. C'est une trajectoire rapide, type 1, c'est-à-dire un peu moins de 6 mois de trajectoire. Et en fait, quand on fait des rentrées directes, comme la gravité de Mars est faible, 5, en gros, la vitesse de libération, c'est-à-dire la vitesse d'entrée, c'est 5 km par seconde, c'est faible par rapport aux 7 km par seconde d'un Soyouz qui revient de l'ISS. Ça fait 20 000 km/h hein, quand même. Voilà. Mais c'est pas beaucoup. D'accord. En termes de techno, c'est pas beaucoup. Donc on peut se permettre de prendre des trajectoires rapides, c'est-à-dire cette fameuse trajectoire qui fait moins d'un demi-tour autour du Soleil. Alors, elle est en orange, hein, la trajectoire en l'occurrence. Voilà. Sur la planche numéro 2, c'est la trajectoire. Mais ce que je voulais, là où je voulais insister, c'est qu'en haut à droite, vous avez un petit cartoon qui montre la entry target et la landing ellipse. Ça, c'est assez instructif. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai trouvé deux images différentes, donc je ne sais pas quelle est la bonne. J'espère que celle-là est correcte. La première, ça vous donne, enfin le premier point, c'est l'entry target, ça vous donne l'état de l'art de la navigation interplanétaire. En gros, aujourd'hui, avec les moyens NASA, Deep Space Network, ce qui se fait de mieux au monde, on a une précision pour toucher l'atmosphère de Mars, c'est écrit, de 10 par 24 km. C'est-à-dire qu'on tire notre sonde, on lance notre sonde et on sait qu'elle va entrer dans cette fenêtre-là. Elle va arriver mais attends, au niveau de Mars. Il y a quand même eu 5 ou 6 corrections de trajectoire. Ah oui. On fait de la navigation. Il y a eu 7 flybys, je crois, 6 ou 7. Pas du tout. Non, des corrections de trajectoire, d'accord, pardon. Ça s'appelle les TCM, Trajectory Correction Maneuver. On fait des corrections de trajectoire au début, au milieu, c'est souvent un peu... c'est pas très rentable, et surtout au moment de l'arrivée, parce qu'on sait où est Mars. Quand on part de la Terre, on ne sait pas très bien où est Mars. On part et après, on observe Mars et voilà. Donc, ça explique les 10 par 24 km qui est la précision de la navigation. C'est l'état de l'art. Aujourd'hui, vous voyez qu'on est, on n'est pas au kilomètre près. On est plutôt à 10-20 km près en navigation interplanétaire au niveau de deux unités astronomiques. C'est à peu près ce qui se fait de mieux. Et là, après, ces 10 par 24 deviennent, si mes yeux sont bons, 130 par 27. 130 par 27. 130 par 27. Donc en fait, c'est ce rectangle devient une ellipse. La grande dimension est évidemment liée à la pression. Si la pression est forte, on va tomber plus court. Si la pression de l'atmosphère. Bah oui. Ouais. Si la pression est faible, on va tirer plus long. D'où l'ellipse qui est allongée, qui fait 130 km. Et après, il y a de la dispersion, mais qui est de 27, alors qu'on avait un corridor d'entrée de 24. Donc en fait, il y a très très peu de dispersion latérale. Mais si vous comparez ça avec Curiosity, c'est complètement différent. Pourquoi ? Parce que c'est moins. InSight est balistique. Il n'y a aucune navigation. Dans les 7 minutes de terreur, tout est balistique. Ce qu'on appelle les 7 minutes de terreur, c'est les 7 dernières minutes avant l'atterrissage. On touche l'atmosphère au sol. Voilà, c'est ça. Tout est balistique. Ça veut dire qu'on tombe comme une pierre. Tout est naturel. On ne peut pas corriger. On ne pilote pas. Curiosity pilote. A un pilotage hypersonique. Ce qui explique que l'ellipse d'arrivée de Curiosity est, de mémoire, quelque chose comme 10 par 20 km. Ce qui est extraordinairement plus petit que 130 par 27. Donc ça dépend de la technologie qu'on utilise. Et je rajouterais, pour un homme, sur Mars, il faut avoir une précision de moins de 100 mètres. Il faut le terrain de football. Sinon, l'homme, il n'est pas capable de rentrer à pied à la maison. Donc, on n'en est pas là. Et la technologie ne permet pas aujourd'hui d'avoir un kilomètre. Quand tu dis l'homme, c'est l'idée d'envoyer des astronautes sur Mars, bien sûr. Je pense qu'on avait compris. Donc, l'état de l'art, c'est Curiosity. On peut faire un peu mieux que Curiosity avec Mars 2020. Peut-être qu'il va y avoir une amélioration parce qu'ils vont déclencher le parachute, non pas... Alors, c'est très technique, là, excusez-moi. Non pas en fonction de la vitesse, qui est le cas naturel de Curiosity, ce qui est assez, comment dire, assez sécurisant du point de vue de l'ouverture du parachute, mais ils vont déclencher l'ouverture du parachute en fonction de la distance. Ce qui est beaucoup moins sécurisant pour l'ouverture, c'est-à-dire que l'ouverture peut se passer à des vitesses très différentes. Et si vous ouvrez à une vitesse trop grande, il éclate. Donc ça demande une robustesse. Mais avec une ouverture trigger on position, vous réduisez l'ellipse à quelques kilomètres. Voilà, ça c'est l'état de l'art, ce qui se fait de mieux actuellement. Site d'atterrissage, Philippe Lognonnet, vous oui, avez pardon. Fait le... Excusez-moi, ouais. Juste pour terminer, vous passez sur la planche 3. Et le cartoon, c'est pour ça que j'ai souhaité qu'il y ait ce cartoon. L'encadré, là. Vous avez l'ellipse, 130 par 27. Et vous avez le point rouge, il est tout petit, il faut les bons yeux. Et j'ai écrit landing at 11 km. Ça veut dire que par rapport au centre de l'ellipse, qui est le point visé, le résultat, c'est qu'on s'est posé à 11 km du point visé. Ah oui. Ça, c'est le résultat de... Curiosity, c'était 1 km. Donc vous voyez que ça dépend de la techno. Philippe Lognonnet, on a fait le tour là, on a cherché notre site d'atterrissage. Non, pour le site d'atterrissage, on a eu la chance d'avoir 30 secondes de moins de terreur, puisque finalement ça a été plus rapide que prévu. Pourquoi on appelle ça des 7 minutes ou 6 minutes de terreur? Je pense que c'est une expression de la NASA. C'est que les opérateurs sont en blackout en fait. Ils ne peuvent rien faire, ouais. Donc c'est terrorisant pour eux. Ils observent, soit c'est bon, soit c'est mort. Et puis, on rajoute le fait que Mars est loin, et donc quand vous êtes mort, vous ne le savez pas encore. C'est un moment absolument critique dans la mission, évidemment. Ou quand vous êtes posé, vous ne le savez pas encore. On pose 2 milliards et demi de dollars, ouais. Bah, c'était Curiosity. Ouais, ouais. Là, c'est 1 milliard pour InSight. Et puis, c'est pour ça que certains, dont moi, étaient très émus lors de l'atterrissage. Mais, où est-ce que vous étiez à ce moment-là? Ah ben j'étais en France. On était à la Cité des sciences et de l'industrie. Voilà. Donc avec l'équipe, l'essentiel de l'équipe qui a vécu, je pense, ce moment comme la concrétisation d'une dizaine d'années de travail, que ce soit au CNES ou dans les laboratoires qui ont accompagné l'expérience. Vous étiez où physiquement ? À la Villette. À la Villette, donc pas très loin d'ici. D'accord. Tu m'as comparé à la distance Terre-Mars. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut regarder la page 4 du coup. Alors, la page 4 est importante parce que, voilà, en gros, la Villette c'était formidable, mais c'était pas l'atterrissage de 16 sur Mars. Donc, la Villette, on s'est posé sur Mars. Voilà. Bien vers vous, ça marche très bien. Donc, la Villette, on s'est posé sur Mars, c'était pas encore le moment où. ou SAIS se poser sur Mars. L'objectif vraiment de la mission était de poser l'instrument à la surface. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vécu avec tous ceux qui étaient en opération au JPL d'une manière assez intense aussi. Alors de nouveau, c'était un moment d'émotion forte. Combien de temps après l'atterrissage ? On a posé ça au début de l'année, fin de l'année dernière, début de cette année. Pendant tout le mois de décembre, on a fonctionné sur le pont. On a fonctionné sur le pont, c'est-à-dire l'expérience est restée à bord d'InSight. Tout à fait. L'expérience de sismométrie SAIS a pu fonctionner sur le pont de l'atterrisseur grâce au capteur anglais. Vous avez parlé tout à l'heure d'une expérience française. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une expérience sous maîtrise d'œuvre française, dont la responsabilité scientifique est française, mais qui n'aurait jamais pu être construite sans la collaboration de tous nos partenaires européens et américains. L'Angleterre a fourni un capteur courte période, la Suisse a fourni une électronique d'acquisition, l'Allemagne a fourni le système de déploiement et les États-Unis ont fourni de nivellement et les États-Unis ont fourni tout le reste, c'est-à-dire le câble et le système de protection. Donc c'est vraiment une expérience internationale. L'intérêt du capteur anglais était qu'il fonctionne. Alors il est un peu moins performant que le sismomètre français, mais du coup il est plus robuste. Et comme il est plus robuste, il a pu fonctionner dès l'atterrissage sur l'atterrisseur. Alors là, qu'est-ce que vous mesurez alors, comme vibration ? Alors là, on a mesuré un merveilleux moment musical que je pourrais vous faire écouter d'ailleurs, si vous le souhaitiez. Ah bah oui, bien sûr. Qui a été repris par un membre de la communauté, on va dire. Je vais vous l'écouter. Il faut qu'on comprenne ce que c'est. Hein. Vous avez un micro là, donc vous pouvez. Alors il s'agit donc d'une vibration qui a été. Alors est-ce que ça marche ? Alors déjà on n'entend pas à l'oreille là. Donc il s'agit donc d'une vibration qui a été enregistrée dans les premiers moments de SAIS sur Mars. Et en fait, c'est le vent, n'est-ce pas, Phil Cognonet ? Et vous savez que sur Mars, les extraterrestres ont des grandes oreilles parce que la pression est très faible, donc les sons sont très faibles. Donc il faut avoir des grandes oreilles. C'est pour ça que le son est faible. Eh bien oui, c'est ça, c'est bien sûr. On va essayer de le faire marcher. Bon, écoutez, on va le faire marcher. Voilà. Vous inquiétez pas, on va retrouver ça, c'est pas un problème. Donc, je pourrais vous faire après écouter le boom boom d'HP Cube. Bah, c'est les deux, hein, dans les deux cas, en fait, le problème technique est le même. Il faut juste faire tourner. On va faire ça après. Peut-être que vous pouvez préparer ça pendant que. Je pense que c'est pas là que ce trou il a fallu. Bah écoutez, faites passer mon. Non, on va le faire avec le micro. Donc, avec le micro, ça marche pas. Je sais pas. En tout cas, donc. J'entends rien. J'entends rien. Même toute façon. Bon, c'est pas grave. Très rapidement, donc on a pu faire ce qu'on appelle une sonification du signal, c'est-à-dire le transmettre en signaux. Audible par notre oreille. Et ça nous a permis d'entendre le vent. Donc c'est vraiment un moment assez magique. Parce qu'en fait, ce sont des infrasons, c'est ça ? Voilà. Donc c'est pas. Là, en l'occurrence, c'était la vibration de l'atterrisseur sous l'effet du vent, le fait qu'il a des panneaux solaires, ces panneaux solaires vibraient. Et donc tout ça permettait d'entendre, si vous voulez, le signal. Okay, alors donc ça, très émouvant, bien sûr. Alors, voilà. Je voudrais quand même qu'on en vienne au déploiement. Page 4. Ouais. Et donc, c'est une quarantaine de jours après l'atterrissage. Voilà, une quarantaine de jours après l'atterrissage, on a commencé à déployer le capteur sur le sol. Ce que vous appelez le capteur, c'est SAIS. C'est-à-dire SAIS sur le sol. Et là, évidemment, ça a été pour toute l'équipe à un moment important, chargé d'émotion parce que Viking s'était arrêté au pont de l'atterrisseur. C'est-à-dire que le sismomètre était resté sur l'atterrisseur. Alors, il n'était pas resté, il devait rester. Oui, c'était prévu comme ça. Il devait rester, voilà. Et au début du mois de février, on a mis la cloche à fromage, le bouclier éolien. On voit tout, là, mon traîneau. La cloche à fromage, c'est ma façon française d'appeler ce que certains vont appeler une soucoupe volante. ou d'autres en termes un chapeau chinois, mais en tout cas c'est le chapeau qui protège du vent. Donc Seis, il faut bien comprendre que sur l'image de Gauss, Seis, c'est donc ce... Ce qui est à la surface. C'est quoi? C'est un hexagone Tout à fait, c'est brun, ce que vous avez... bronze, voilà. Qui est relié, qui reste relié à InSight par un cordon ombilical. Et donc, on va aller... C'est ce qu'on voit donc en 1. Ce câble est un bijou de technologie. Ce câble est un bijou de technologie, 200 fils à l'intérieur. Il a été fabriqué par le JPL lui-même. Je ne suis pas sûr qu'on saurait le faire nous-mêmes. Parce qu'il faut qu'il soit souple à des températures très très basses sur Mars. À moins 100 degrés. Voilà. Donc moins 100 la nuit, zéro le jour. Je pense que ce câble, c'était un des grands challenges. Peut-être la prochaine fois, on fera du sans fil. Mais bon, donc... C'est vrai. Donc du coup, début février, on déploie ce bouclier sur le capteur. Et là, c'est là qu'on commence à découvrir vraiment la façon dont Mars bouge. Et on s'est aperçu que finalement, Mars, une fois qu'on enlève le vent, en fait, est très, très stable. Et la grande surprise... Alors, attendez, il faut bien qu'on se comprenne. Parce que donc, vous avez enregistré le vent. Est-ce que vous appelez enlever le vent? C'est-à-dire, vous continuez... Là, vous êtes au sol, donc vous avez les vibrations du sol. Et vous êtes capable d'en extraire, de soustraire le bruit du vent de ces vibrations que vous récupérez. Voilà, donc pour ne garder que les vibrations du sol. Un exemple avec cette table dans laquelle il y a encore des verres à... qui ne sont pas vides, Dieu merci. Celui de Francis, le mien étant déjà vide. T'as soif, là? C'est une façon de dire, voilà, message. Bien, mais bon, donc... Voilà, bah, ça y va, t'as voilà. Été entendu. Hein. Donc, au début, l'atterrisseur est sur Mars. Donc, non, le vent fait vibrer l'atterrisseur. Donc, vous voyez, le verre de Francis fonctionne très, très bien comme capteur. Greenberger. Ouais. Et donc, du coup, mesure les vibrations de la table. Eh oui, parce que l'eau bien. Est en train voilà. de, et donc, de bouger à l'intérieur. Ensuite, une fois que ce capteur était sur Mars, je vais le mettre sur cette chose-là. Donc, d'accord. C'est le verre avec un petit peu de bière à l'intérieur. Voilà, donc vous imaginez que cet objet-là, qui m'a été prêté, je vais essayer de ne pas trop l'abîmer. Donc pour ceux qui ne peuvent pas voir... N'est pas très, comment dire, n'est pas très rigide. Pour ceux qui ne peuvent pas voir, c'est que vous posez votre verre sur un objet en mousse. Voilà, sur un objet en mousse. Et le vent, en fait, qui joue sur cet objet-là, en fait, le fait basculer un petit peu. Et ça, c'est ce fait qu'on fait basculer le verre et donc on voit là aussi la bière qui bouge. Donc voilà. La bière bouge alors que ça... quand la table bouge et... Oui, voilà. D'accord. Alors que ça bouge beaucoup moins quand c'est sur du marbre, comme vous voyez ici. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu en fait au mois de janvier. Et donc le problème, c'est qu'au mois de janvier, on fonctionnait très très bien, mais un peu plus comme capteur de vent que comme capteur sismologique. Aïe. Et donc à partir de ce moment-là, ce qu'on décide, c'est de supprimer la force du vent sur le capteur et donc de le recouvrir par ce bouclier que vous avez sur cette photo. Et dès lors, on a eu des données qui étaient très très stables. C'est-à-dire, on avait vraiment un sismomètre qui ne bougeait plus, sauf quand le sol voulait bien le faire bouger, ce qui était vraiment la différence par rapport à avant. Et là, on s'est aperçu, en fait, qu'on avait un mouvement du sol qui était comparable à celui de la Lune. Ça, c'était une très, très grande surprise. Donc très faible ? Très faible. Et aujourd'hui, à, disons, quelques secondes de période, ça bouge moins de 1 angström. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est-à-dire 10-10 mètres, hein, c'est-à-dire vraiment, je vous rappelle que la taille d'un rayon, le rayon d'un atome d'hydrogène, c'est 0,5 angström. Autrement dit, on bouge moins qu'un diamètre d'atome d'hydrogène. On a néanmoins encore un petit mouvement vertical. Ça ne fait pas vos affaires, ça. Alors, ça ne fait pas nos affaires. Bah, si, c'est intéressant, c'est qu'on bouge encore un petit peu. Et on bouge un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'on a un signal qui vient de l'atmosphère qui fait osciller doucement la surface. Et ça, c'est ce qu'on appelle un bruit microsismique. Alors, ça a été présenté dans des conférences scientifiques récemment. Il y a eu tout un ensemble de discussions sur la toile. Pourquoi ? Parce que le terme historique de ce bruit microsismique, ça s'appelle microsismique. Séisme en anglais, et ça donne l'idée que c'est des petits séismes. En fait, ce n'est pas du tout des petits séismes. Ce qui s'est passé, c'est que sur Terre, quand Ce signal a été détecté en 1870. On pensait que c'était des petits séismes qui en permanence faisaient bouger la Terre. En fait, ce n'est pas du tout des petits séismes qui font bouger la Terre. C'est sur Terre les vagues des océans qui font vibrer la Terre. Et sur Mars, c'est tout simplement l'atmosphère qui fait vibrer la surface. Ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on a un signal. Et quand on a un signal, ça veut dire qu'on n'a plus de bruit. Et quand on n'a plus de bruit, on peut commencer à faire de la science et voir l'intérieur de la planète, même avec ce bruit qui vient de l'atmosphère. Francis Roca, vous nous commenteriez là, ces images, là, 1, 2, 3, 4, qu'on a ici, page 4. Oui, alors, donc, page 4, C'est ici, oui, si on peut voir ça. Donc, on a, en haut à gauche, on a Céis qui est posé au sol avec son câble, et arrive le chapeau chinois, qui est lui-même sur des pieds. Le principe, c'est que le chapeau chinois n'est pas en contact physique avec Céis, puisque le chapeau chinois va subir les agressions du vent et il faut que cette vibration ne soit pas transmise. Donc il n'y a pas de contact physique entre WTS et Céis. WTS, c'est le chapeau chinois. WTS, c'est le chapeau chinois. D'ailleurs, sur Céis, si vous regardez bien en haut à droite, donc l'encart 1, vous avez un gnomon, c'est-à-dire que vous avez un cadran solaire, et ce cadran solaire, il est fait pour, c'est la tige d'accroche de Céis qui utilise, enfin qui est le gnomon. Le but, c'est de savoir où est le nord géographique, et on utilise à l'ancienne. Ah oui. Vu qu'il n'y a pas de champ magnétique sur Mars, on utilise comme sur Opportunity et Curiosity, on utilise un cadran solaire pour repérer le nord géographique. Or, nous, on a besoin, et d'ailleurs, InSight s'est posé de façon telle qu'il a tourné sur lui-même pour mettre la zone qui était celle où allait se poser Céis au sud, de façon à ce que InSight, à aucun moment, ne mette une ombre dessus, vu qu'on est au sud. Et là-dessus, le chapeau chinois en 3 a été posé. Au début, c'était Sol 66, la côte de maille, parce que le principe du chapeau chinois, c'est la jupe. Et cette jupe est très lourde. Elle est faite pour vraiment épouser le sol, le moindre caillou, pour éviter que le vent s'engouffre dessous. Et cette jupe, c'est JPL qui l'a faite. Et la mauvaise nouvelle, qu'au début, la jupe était un peu bloquée. Donc, c'est ce qu'on voit dans la slide 3. La jupe n'est pas descendue, mais on a laissé la nature travailler toute seule. Le soleil a fait son affaire. Et tout d'un coup, clac, la jupe est tombée. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est la slide 4, où on voit bien la partie dorée qui est la jupe. Qui est tombée, Et j'interromps 30 secondes. Donc, si on vous pose la question de savoir quel est l'élément commun entre Game of Thrones et InSight, eh bien, c'est la côte de maille. C'est la côte de maille. Qui a été fournie par la même entreprise canadienne. Alors. Ah. Il ne veut pas que je parle. C'est terrible. Quand vous êtes mort, vous le savez pas encore. Aller sur Mars est une gageure, pour moi c'est pas une sinécure. Et quand vous êtes mort, vous le savez pas encore. C'est cette minute de terreur où l'on n'a pas droit à l'erreur. Mais quand vous êtes mort, vous ne savez pas encore. Très peu pour moi la planète rouge, je préfère voir mon ballon de rouge. Et quand vous êtes mort, vous ne savez pas encore. Avec le vin, c'est la cirrhose, mais au milieu d'éléphants roses. Et quand je vais mourir, je vais le voir venir. Francis, un commentaire ? Oui, en fait, ce déploiement ne s'est pas passé exactement comme on le pensait. Il y a eu quelques petits soucis, notamment planche 5, vous avez un éclaté, un écorché. Donc c'est la page 5, oui. Un écorché de séisme avec ses différentes protections thermiques. Donc le premier éclaté à l'intérieur, c'est les 3 sismomètres. et la sphère en titane sous vide a été éclatée. Par-dessus, vous avez une première isolation thermique avec son cadran solaire, son gnomon au-dessus, et vient se rajouter le WTS. Et sur la partie droite de la sphère, vous avez une espèce de pince qu'on appelle le LSA, c'est une boucle de relaxation, parce que ce câble qui fait pas loin de 2 mètres de long, vu qu'entre le jour et la nuit, il va y avoir 100 degrés d'écart, il va se contracter la nuit, il va se dilater le jour. Donc on ne veut pas que ce câble, par effet thermoélastique, il vienne perturber le sismo. Donc la pince que vous avez sur la partie droite de la planche page 5 est écartée d'environ 1 cm. Et cet écart, en fait, au début, on ne l'avait pas. En fait, la pince ne voulait pas s'ouvrir. Donc il a fallu tirer, je dirais, mécaniquement sur le câble. Et ça a pris plusieurs jours, notamment avec la pinoche que vous voyez à droite de cette planche, de la grande photo de la page 5. Et en tirant avec le bras sur la pinoche, on a réussi à écarter la pince. Et le résultat, c'est qu'à la fin, on a un système qui est totalement isolé, y compris des vibrations thermoélastiques de Mars. Mais peut-être on pourrait parler, Philippe, de comment tu vas localiser tes séismes. Comment on localise les séismes? C'est pas complètement intuitif. Oui, parce qu'on n'a pas expliqué notamment les... Il faut être très malin pour localiser un séisme avec un sismo. Alors, je voudrais juste ajouter une petite chose avant ça. C'est que des séismes, vous n'en avez pas encore vu. Non, on n'en a pas encore détecté. Profonds, on n'en a pas encore vu. Hein. Non. D'accord. Que ce soit clair. Ni des impacts. Parce que il peut y avoir des impacts de météorites que vous pouvez détecter aussi lorsqu'ils sont suffisamment proches. Donc, je pourrais vous cacher quelque chose, mais je ne vous cache rien. Mais on n'en a pas détecté, mais ce n'est pas une surprise. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on savait que Mars n'est pas une planète très active. Et comme on a attendu 40 ans pour le faire, on peut attendre quelques mois en plus pour commencer à le faire. Mais la mission va durer 2 ans. La mission va durer une année martienne. Une année martienne. Et voilà. Donc, ça suppose si on ne voit pas de séisme, est-ce que vous êtes fondé à demander... Ça, c'est un discours pour expliquer qu'il justifie déjà que ces modèles sont faux. Non, parce que c'est lui qui a fait les modèles. Alors, et donc, il a prédit un nombre de séismes et déjà, il nous annonce que voilà, tout est donc, faux. Voilà, donc... Non, mais... Oh, j'ai eu un... On verra. D'abord, on découvre et puis ensuite, on verra. Mais l'objectif de la mission, c'est de découvrir détecter une bonne douzaine de séismes en 2 ans. Voilà. Donc vous prenez 24, vous divisez par 12, ça vous fait un séisme tous les 2 mois. Et si vous rajoutez des statistiques pour le premier, c'est pas surprenant qu'il n'y ait pas grand-chose. Je vous rappelle qu'on fait de l'exobiologie sur de la science où il n'y a qu'un seul exemple de vie qui est à l'endroit où on ne la cherche pas. Donc, c'est juste pour dire qu'on a tout notre temps avant de trouver un séisme. Donc, c'est pas un problème tout de suite. C'était prévu et c'est pas une surprise. Maintenant, effectivement, on n'a qu'une seule station à la surface de la planète, sachant que la première coûte très cher. Les suivantes sont moins chères, mais on n'en a qu'une. Et donc... Quand on fait de la sismologie, on mesure des vitesses. Et comme vous le savez, une vitesse... Là, vous allez planche 8. Voilà, vous allez planche 8. Une vitesse, qu'est-ce que c'est ? C'est une distance parcourue pendant un certain temps. Hein, c'est ce qu'on appelle une vitesse. Et donc, nous, on sait connaître, on sait mesurer le temps. Et donc, il nous reste à connaître la distance. Et c'est là où est la difficulté. Quand on a plusieurs stations, on fait ce qu'on appelle de la triangulation, c'est-à-dire qu'on trouve l'endroit où a eu lieu le séisme. Et une fois qu'on connaît l'endroit où a eu lieu le séisme, comme on connaît la distance, on sait mesurer le reste. Là, comme on n'a pas plusieurs stations, il faut qu'on trouve cette distance-là. Donc, on n'est pas très malin. Et donc, plutôt que de la trouver, il y a deux idées. C'est tout simplement de ne pas la trouver. Voilà. Donc, de ne pas la trouver parce qu'on la connaît. Et il y a deux idées qui sont différentes. La première, c'est qu'on va la trouver parce que tout simplement, on a un impact qui a eu lieu. Cet impact fait un cratère et on utilise un satellite qui va nous permettre de savoir où se trouve le cratère. Une Donc fois ça, c'est en l'absence de séisme. Ça, c'est en l'absence de séisme. On va utiliser les vibrations produites par la collision voilà, du, par la du météorite. Collision, par un impact. Excuse-moi, Philippe, ça, c'est un peu de l'enfumage, là, ce que tu es en train de nous raconter. Non, ça, c'est pas pour... comme ça que ça va c'est se passer, pour... tu le sais très Alors, bien. Alors, ça va se passer tu comment sais très bien. Alors, c'est comment toi ça va se passer qui dois dire où a lieu l'impact. Alors, tout à fait, bah, c'est-à-dire qu'on détecte un signal là, qui vient d'une certaine direction. Pourquoi on est capable de connaître la direction ? Parce qu'on a un sismomètre trois axes, donc il permet de déterminer la direction. Et une fois qu'on a cette direction... En quoi trois axes permet de... Ça, c'est pas Alors, si évident okay. que ça. Donc je vais expliquer. Donc je pense que c'est un... Merci parce que c'est... Évidemment, c'est pas aussi simple. Donc je vais essayer de vous faire un résumé de la sismologie en 30 secondes. Première idée, c'est qu'on a plusieurs types d'ondes. On a des ondes qu'on appelle des ondes de volume qui se propagent dans le volume. Et on a des ondes qu'on appelle des ondes de surface qui se propagent à la surface. On les voit clairement, page 8. Voilà, page 8. Ensuite, ces ondes de volume, en fait, vous en avez de deux types. Des ondes de compression qui font comme ça. Et en fait, elles poussent dans le sens où elles se propagent. Donc, quand on a les moyens de détecter la direction du déplacement, eh bien, on mesure tout de suite la direction de propagation. Ensuite, d'autres, ça, c'est des ondes qu'on appelle des ondes P parce qu'elles sont plus rapides que les autres. Ensuite, on a des ondes qu'on appelle des ondes de cisaillement. Et ces ondes sont des ondes qui, aussi dans la direction perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, si on voit que la... Si je vois que la table fait comme ça, là, ça veut dire qu'il y a une onde qui se propage comme ça. Donc, c'est cette mesure trois axes qui nous permet de déterminer la direction de propagation des ondes. Ensuite, donc, vous savez dans quelle direction... On sait de quelle direction. Tout à fait. Dans quelle direction s'est situé le séisme En gros, ou le, on sait si le séisme vient de ou là ou de derrière météorite. Moi. D'accord. Ensuite, je vous passe les détails, mais en regardant la façon dont les ondes tournent dans l'espace... On sait s'il vient de là ou de derrière. Ensuite, reste la distance approximative. Et ça, on a, on va dire, des idées peut-être préconçues, mais approximatives de la vitesse de toutes ces ondes. Et ça nous permet, pour les impacts, d'avoir une distance approximative. Et une fois qu'on a cette distance approximative, c'est là qu'on demande à des orbiteurs de prendre en photo Mars, et de voir si, à la surface de Mars, on a des nouveaux cratères qui sont neufs par rapport à ceux qu'on a pris en photo avant l'atterrissage. Ça, c'est la première approche. D'accord, je vous invite à vous diriger page 10, voilà, parce que vous allez voir de façon très claire de la manière dont ça se passe. On voit très bien l'impact, les ondes sismiques. SAIS détecte ces ondes, et puis informe MRO, donc ça, c'est... Mars Reconnaissance Orbiteur, voilà, un orbiteur qui prend en photo un des orbiteur images. De la NASA qui prend des images et qui est capable, lui, en fonction de cette distance approchée de cette direction, de découvrir où un nouvel impact s'est créé. Voilà. L'intérêt de ça, c'est que c'est une méthode qui est démontrée parce que, en fait, ces satellites ont vu des impacts depuis 5-6 ans et donc on sait qu'il y a des impacts qui arrivent sur Mars. L'inconvénient, c'est que un impact reste une source sismique faible. On espère détecter peut-être 5 de ces impacts par an. Donc, vous voyez, on a encore le temps. Maintenant, pour revenir au séisme... Ça vous permet quand même de sonder les profondeurs de Mars ? Ça permet surtout de sonder la croûte et la partie superficielle de la planète. Donc, ensuite, pour ce qui est des séismes, là, la technique est un petit peu différente... Et une façon de la concevoir, c'est de vous imaginer dans un stade où vous avez où vous voulez mesurer la vitesse d'un coureur et vous avez loupé le starter qui vous a donné le temps de départ de ce coureur. Donc la seule chose que vous avez, c'est vous avez un chronomètre et vous avez le numéro en fait de votre coureur où vous le reconnaissez. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que quand le coureur va passer devant vous, vous allez lancer votre chronomètre. Et quand le coureur aura fait un tour de stade, eh bien, vous allez arrêter votre chronomètre. Et à partir de ce moment-là, si vous connaissez la distance du stade, vous êtes capable de déterminer la vitesse de ce coureur. c'est un petit peu ce qu'on va faire avec ces ondes de surface qu'on appelle R1, R2, R3. Et l'idée, c'est qu'on attend le coureur qui passe devant nous, c'est ce qu'on appelle R1, et il va faire un tour de stade en plus. Alors peut-être regarder la page 8. Voilà. Si vous pouvez commenter la page 8, je pense que c'est le dessin B que donc vous êtes en train de nous... Donc c'est la page 8. Vous êtes en train de nous commenter. Donc le coureur arrive devant vous, d'accord. C'est ce dessin R1. Il va faire ce tour de stade en plus. Donnez les couleurs. Donc R1, c'est la couleur violette. Il va faire ce stade en plus qui est la couleur verte. Et puis, une fois que vous le voyez repasser donc devant vous... C'est la même onde qui fait tout le tour de la planète. Voilà, c'est la même onde qui fait tout le tour. Évidemment, le gros problème, c'est que le stade martien, il fait 20 000 km de distance. Et donc, ça fait une sacrée distance pour un coureur, aussi fort soit-il. En d'autres termes, il n'est pas sûr de détecter R3. Voilà. Et donc du coup... cette onde-là, en fait, a une toute petite amplitude. Et d'ailleurs, vous le voyez sur la figure, l'amplitude de R3 est à peu près 10 fois plus petite que l'amplitude de R1. Et donc, ça, c'est la deuxième approche qui nous permet, du coup, de faire cela. L'intérêt de ça, c'est qu'il suffit d'une seule observation pour avoir la vitesse de ces ondes autour de Mars. Et une fois qu'on a la vitesse, alors on peut embrayer sur tout le reste. Alors, comme le dit Francis, c'est une mission Discovery. Les missions Discovery, comme son nom l'indique, on va à la découverte. Si on avait voulu en faire une mission sécurisée, il aurait fallu faire un réseau 3 fois plus cher. À l'inverse, et serait-il raisonnable de faire un réseau quand on ne sait pas s'il y a des séismes ? Un réseau de sismomètres. Un réseau de sismomètres. À l'inverse, avec le temps, on apprend toujours à avoir un petit peu le recul, mais il est logique aussi que la progression scientifique reste une progression. On commence par une mission qui essaie de voir s'il y a des séismes, essayer d'obtenir les premières observations, et puis après, on en tirera les conclusions pour la suite. Maintenant, il est clair que cet instrument est tellement bien installé, comme le disait Francis tout à l'heure, que c'est la meilleure façon de commencer. On a vraiment un instrument qui nous permettra, dès qu'on aura un séisme, je pense, de magnitude 4,5, à illustrer avec des données ce que vous avez sur la page 9 avec des dessins. Moi, j'ai une question. Si tu n'as pas R3, si tu as R1 et R2, est-ce que tu arrives à t'en sortir? Alors, si on a R1 et R2, on arrive à s'en sortir avec les ondes de volume qu'on appelle P et S. Encore une fois, vous avez 4 grandeurs, le temps d'arrivée de la P, le temps d'arrivée de la S, le temps d'arrivée d'R1 et le temps d'arrivée d'R2. Et vous cherchez quoi? La distance, le temps, la vitesse des ondes P et la vitesse des ondes S. Donc ça vous fait 4 inconnus plus le temps du séisme. Et tout ça, ça vous permet de revenir à ce qui est à l'intérieur? Et donc, je réponds à savoir à Francis, ce qui est à c'est s'il nous en manque une, en fait, il va falloir qu'on fasse des hypothèses sur les rapports de vitesse entre l'onde P et l'onde S ou entre l'onde de surface et l'onde S, en supposant que les matériaux martiens sont relativement proches des matériaux terrestres. Parce que vous parliez d'une radiographie tout à l'heure, vous disiez que finalement on fait une radio de la planète, c'est avec les ondes P et les ondes S, je suppose, qui donc traversent l'intérieur, et donc vous êtes en mesure, en fonction, je suppose, du temps avec lequel elles vous parviennent, de déterminer quelle est la densité du matériau qui est traversé, ce genre de choses-là. Oui, c'est exactement, c'est presque ça. C'est-à-dire que, pour faire simple, ce que je vous ai expliqué sur ce qu'on appelle les ondes de surface nous permet de savoir où se trouve le séisme. Et si on reprend une analogie d'un médecin qui utilise un instrument d'échographie, une fois qu'on a le séisme, on sait où on a l'émetteur en fait, qui envoie les ultrasons. Et une fois qu'on a l'émetteur qui envoie les ultrasons, on utilise les ondes de volume pour voir l'intérieur. Une petite question. Alors, on va bientôt se quitter, donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'intervenir, de discuter, de parler directement avec Francis Rocard ou Philippe Lognonnet, c'est vraiment le moment. Une question. Oui, Philippe, deux questions, en fait. Tout à l'heure, tu as dit, je reviens au chapitre précédent, en parlant de la cloche à fromage, tu as parlé de détection verticale. Donc, le CIS, en fait, a enregistré l'atmosphère, d'accord ? Est-ce que ça veut dire, donc j'ai deux questions. Un, est-ce que ça veut dire que la cloche à fromage fonctionne pas totalement? C'est-à-dire qu'elle fait pas, elle annule pas 100% des vibrations atmosphériques. Et deux, si c'est le cas, alors il y a peut-être aussi le sol. Deux, si c'est le cas, est-ce qu'on pourrait utiliser CEIS aussi comme un baromètre? Alors, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est qu'on détecte ce qu'on appelle des infrasons qui viennent du ciel, pour faire simple. Ce n'est pas complètement une surprise, c'est des choses qu'on fait déjà sur Terre. La vitesse du son sur Mars est de 240 mètres par seconde et la période à laquelle on détecte ces sons est de 2 secondes. Autrement dit, en 2 secondes, les sons se propagent sur 500 mètres. Ce qui veut dire que la longueur d'onde, alors je fais simple, en gros la tâche de ces sons est fait 500 mètres. Donc le petit chapeau chinois qui fait à peine un mètre, en fait, c'est rien du tout. C'est tout le sol sur les 500 mètres autour qui oscille d'un petit peu. Et il faut bien remettre l'ordre de grandeur en tête. Aujourd'hui, on détecte ces oscillations de la surface de Mars et ces oscillations, elles font moins de 2 angstroms de déplacement vertical. C'est-à-dire pas grand-chose. Comment est-ce que... Ouais. Voilà. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que tous les scientifiques dans tous les laboratoires ont cet espoir et cette volonté de fournir des instruments plus performants que le minimum nécessaire. Et si on avait fourni le minimum nécessaire, on n'aurait pas vu ces signaux. Francis. Je voulais dire un complément sur le cas. Donc, il y a une deuxième source sismique, ce sont les impacts. Et dans le cas des impacts, le principe, d'abord, c'est régional, c'est pas global. La statistique, globalement, on n'espère pas d'impact puissant pour avoir des mesures globales. Et donc, le principe, c'est de cartographier toute la zone autour de l'atterrissage de InSight avec une caméra qui a à peu près la résolution de 20 mètres par pixel. C'est la caméra CTX de MRO. Et donc, cette cartographie a été faite. Et quand CEIS aura détecté un signal dont on pourra dire « ça, c'est pas un séisme, c'est un impact », et faites confiance à Philippe pour faire la différence entre un séisme et un impact sur le signal, il sait faire. À ce moment-là, il va devoir déduire avec ses trois axes de sismomètre, il va localiser la direction d'arrivée et donc on va pouvoir estimer assez rapidement la distance, très grosso modo, et derrière il va y avoir une recherche de, alors non pas du cratère, parce que le cratère d'impact il est tellement petit qu'il est probable qu'on ne le verra pas. Je vous rappelle qu'on a 20 mètres par pixel sur CTX, donc c'est le blast, c'est le souffle de la poussière au moment de l'impact, qui crée un fort contraste. Ça crée des phénomènes radio que l'on observe sur certains cratères très jeunes sur la Lune. Et c'est ça que des logiciels automatiques vont comparer à la cartographie qui a été faite avant. Et c'est comme ça qu'on va repérer la zone d'impact. Alors évidemment, nous, on va le faire à Toulouse. Donc le CNES va le faire, mais je ne doute pas que les Américains vont le faire de leur côté. Donc, il y a un petit jeu qui va consister à se tirer la bourre pour être le premier à localiser l'impact. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Philippe Lognonet, comment est-ce que vous avez réussi à convaincre les Américains qui, donc, lançaient cette belle mission de sismologie, cette belle mission s'intéressant à la structure interne de Mars et aux flux de chaleur, etc. Comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre pour faire en sorte, je sais bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Je joue les non, novices. Je pense que... Non, comment est-ce que vous avez réussi? Parce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est une mission américaine. Ouais. Donc là, la NASA finalement fait un appel à projet, hein, et c'est le meilleur qui gagne. Voilà. Bon, je vais vous expliquer un petit peu le cheminement. D'abord, à la base, il y a comme on l'a dit, une amitié, une collaboration professionnelle entre des chercheurs aux États-Unis et puis en Europe sur un projet commun. Donc à la fois Bruce Bannert et moi, en fait, quand on avait une opportunité en Europe, on l'a proposé en Europe. Il est au JPL, c'est ça ? Voilà, ouais. Bruce Bannert qui est au JPL. Donc ça, c'est la base, c'est-à-dire que ensuite, il y a une chance extraordinaire qui est le système français de la recherche. Ce qu'il faut bien reconnaître, c'est que, et c'est très très important, on a une chance en France qui est que d'une certaine façon, le CNES, par des actions de R&T, les universités, le CNRS soutiennent des équipes sur des projets à long terme. Et donc, on est capable de faire maturer, de faire mûrir en fait, des projets, même si ces projets prennent 5 ans, 10 ans. Et c'est peut-être une des forces françaises d'avoir des équipes qui vont passer 5 ans, 10 ans à développer une technique instrumentale particulière. Et à un certain moment, il y a un concours de circonstances qui fait qu'on répond à un appel d'offres sur une expertise où, quelque part, la France est unique à la posséder. Et ensuite, c'est le jeu de la compétition. Nos compétiteurs ont eu peut-être moins de chance que nous. Et finalement, la NASA, je veux dire, a in fine a sélectionné INSAT. Je pense que c'est la conjonction de deux éléments. La force qu'a la France par le CNRS, par le CNES, d'investir sur du long terme. Et ensuite, la reconnaissance par la NASA de ce savoir-faire dans des laboratoires français. Alors, je préciserai une chose, c'est que vous avez remarqué, InSight, c'est une mission américaine qui emporte une manip française et une manip allemande. C'est quand même une anomalie, ça. Ça a créé un précédent. Et ce précédent, les Américains disent plus jamais ça. Aujourd'hui, vous ne retrouverez pas une mission américaine qui va envoyer des manips françaises et allemandes. Enfin, il y a un moment, les Américains ils disent « on est les couillons de l'histoire quand même, c'est pas normal ». Donc, la règle NASA a changé depuis InSight. 30% de la charge utile maximum peut être étrangère. Alors que là, on est à 70-80%. RISE, c'est la troisième expérience qui est effectivement américaine. Mais ça a fait jaser aux entournures, cette histoire. La raison, c'est que Bruce Bannert avait un lander dérivé de Phoenix, mais même en reprenant un lander existant, il était un peu au taquet sur le plan financier. Et comme on avait un Sismo, nous, dont Philippe nous a soumis de la R&T depuis 20 ans, donc on l'a beaucoup, beaucoup bichonné, ce Sismo, Bruce Bannert a passé un coup de fil à l'Oignonnet en disant « Écoute, ton Sismo, il m'intéresse, on va faire la Propal InSight. » Et c'est comme ça que ça s'est bien terminé. Parfois même en étant prudent, en prenant vraiment tout son temps, que le couple ne s'installe pour de bon qu'après 20 ans de séduction. Eh bien, croyez-le, je vous prie, il est fréquent, dur et la vie, qu'alors s'installe entre eux deux des disputes et des engueules à deux. Non, non, non, non, non. Bravo. Une dernière intervention peut-être, avant qu'on ne se quitte. Oui, avant le décollage, il y a eu quelques petits problèmes lors de la dernière phase de préparation d'InSight. Vu qu'aujourd'hui, tout a l'air de bien fonctionner, est-ce que tout est pardonné du côté du JPL ? Problème ? Mais non, avec le JPL, tous les problèmes sont réglés. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. Non, mais sérieusement, à quoi tu fais allusion ? Ah non, mais la fuite, c'est une autre histoire. Ça, c'est l'Anus Horribilis, c'est 2015. Donc, on a eu des tas de problèmes en 2015. On devait partir en 2016. Et finalement, on n'est pas parti en 2016. On est parti en 2018. Donc, oui, on a eu des gros problèmes. Et la fuite a été, je dirais, le coup de massue qui nous a assommés. On était à 3 mois du tir, hein. 3 mois, c'est quand même fabuleux, quoi, de se dire on va à 3 mois du tir, on y croit encore, on va livrer. Et en fait, à cause de cette fuite, qui est un conducteur qualifié spatial, parfaitement du commerce, d'ailleurs c'est celui qui est actuellement sur InSight. Donc le conducteur, si, ils ont pris les mêmes. Ben si. Ah bon. Alors c'est pas le même. Enfin, il y avait deux sources de collecteurs possibles. Finalement, ils ont peut-être pris une deuxième source. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est le même collecteur qui a été screené. Non, mais écoutez, je vais pas parler beaucoup du connecteur. Donc, alors tu vas pas parler parce que c'est le but, c'était pas que tu parles d'autre chose. Donc voilà. Donc la fuite a été extrêmement pénible parce que un connecteur 37 pinoche, on avait plus de 100 sources de fuite dans la sphère. Il y en a une. 100 sources possibles. Ouais. 100 sources possibles. Très faible suite, minuscule, mais bon, inacceptable pour garder les sismos qui vibrent bien. On a essayé de colmater les fuites, on a mis de la jaja, on a mis des capuchons. De la jaja trucs. Oui, de la jaja, c'est-à-dire une espèce de colle pour boucher la fuite, quoi. Je dirais un peu un bricolage. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Et à 3 mois du tir, et on a jeté l'éponge en disant, on n'y arrive pas. Et là, ça a coûté 150 millions de dollars à la NASA. Hein. Ça a un peu grincé aux entournures. Hein. C'est une affaire. Tout est pardonné. Moi, je vais uniquement parler des aspects scientifiques. Je laisse aux agences. Avant que la décision de jeter l'éponge ait lieu, avec Bruce Banner, qui est le pilier de la mission, évidemment, on a discuté tous les deux de la posture scientifique à avoir. Et puis ensuite, les choses sont devenues une posture interagence. La mission, en fait, Viking, avait comme objectif aussi de mettre un sismomètre sur Mars pour essayer de déterminer l'activité sismique de Mars. Il n'y a rien de pire en science que d'avoir un résultat négatif, hein, c'est-à-dire un échec, parce qu'on n'est pas capable de répondre à la question. Et on n'aurait pas été capable de répondre à la question d'une absence d'activité sismique de Mars si l'instrument avait été bruyant. Et on le savait. Et donc, c'est pour ça qu'avec Bruce Bannert, on était arrivé à la conclusion que même si, au moment où les scientifiques que nous étions, Bruce et moi, sommes arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait pas dire « on y va », on ne pouvait pas dire « on y va » parce que tout simplement, si la réponse avait été... Mars n'est pas actif parce que notre instrument est trop bruyant, c'était pas une réponse acceptable. Et donc je pense qu'il y a une part il y a une part pour tout. Peut-être la force d'Insight, ça a été d'y croire pour faire de la science extraordinaire. Et la force de la décision du report en 2018, ça a été de dire on reste sur cette ambition scientifique. Et on dit à nos agences qu'on ne peut pas lancer dans ces conditions. Sachant que, du fait du report, la NASA était... Excuse-moi, je parle. Hein, tu parles beaucoup, je parle un peu. La NASA était en une situation de dire stop ou pas. Soit on annule tout, soit on rajoute 150 millions de dollars. Ce n'était pas une décision facile. Finalement, ils ont accepté de rajouter les 150 millions. On avait quand même un Ariane 5 à Vandenberg qui ne servait à rien. Un Atlas 5, pardon, tu as raison. Un Atlas 5 à Vandenberg, ça ne sert à rien. Puisque en général, les Atlas 5 ne sont pas à Vandenberg, ils sont en Californie. Et là, pour Insight, il fallait un Atlas 5. Que faire de cet Atlas 5? Il fallait le ramener. Enfin, c'était compliqué. Tout ça coûte beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, les scientifiques américains, dans un MEPAG, qui est le Mars Exploration Planning Advisory Group, vous imaginez 150 Américains et 3 Européens à peu près, hein, c'est ça la proportion, qui commençaient à attaquer Bruce Bannert en disant « Comment 150 millions de dollars, scandaleux, c'est à la France de payer ?» Et Bruce a dit « Attendez, on coopère sans échange de fonds, c'est la règle absolue dans nos coopérations, chacun paie sa part. La NASA a des surcoûts, elle paye, nous on a eu des surcoûts, doublé le prix de la manip, chacun assume ses problèmes. » Mais l'argent ne transfère pas des frontières. Mais je peux vous dire que dans la communauté américaine, ça a un peu grincé, cette histoire. Et d'où d'ailleurs le fait que maintenant, pas plus de 30% des charges utiles des missions Discovery peuvent être étrangères. On a rendez-vous, c'est le 16 avril, pour parler des catastrophes naturelles et de la manière dont les satellites peuvent aider à les surveiller et à faire en sorte qu'on puisse agir au plus près et au plus vite sur tout ce qui est catastrophes naturelles. Je voulais vous signaler un changement de date, mais vous l'aviez sans doute en tête, c'est que le bar des sciences sur les astéroïdes que vous attendiez, j'en suis sûr, n'a pas lieu le 21 mai, mais a lieu le 28 mai. Le bar des sciences sur les astéroïdes aura lieu le 28 mai, le mardi 28 mai, ici même, hein, parce que ici maintenant, on est bien et c'est ici que ça a lieu. Et Francis Rocard sera avec nous à nouveau. Alors vous avez compris qu'avec Insight, avec SAIS, ça n'a pas été de tout repos, notamment les dernières années, ce développement a été quand même assez compliqué. Mais aujourd'hui, on a quoi ? On a un instrument qui fonctionne à merveille, un sismomètre de haute qualité, avec une sensibilité extraordinaire. Tout se passe bien à bord, l'instrument est très stable et on est capable de détecter un déplacement de la taille d'un atome. Alors maintenant, on attend. On attend quoi ? On attend les événements sismiques. Ils vont arriver, forcément, à un moment donné. Et là, ça permettra effectivement de comprendre et d'explorer. Sinon, on va clouer Philippe au pilori. Hein, s'il n'y a pas de séisme, c'est toujours de la science. S'il n'y a pas de séisme, hein. Au moins, on aura appris quelque chose. Et voilà, donc ça permettrait d'en savoir un petit peu plus et de comprendre pourquoi le moteur de Mars s'est arrêté. Ce moteur qui, par exemple, a entraîné, la chute, la fin de ce moteur a entraîné notamment la disparition de l'atmosphère, ce qui évidemment est extrêmement problématique pour garder de l'eau liquide à la surface de la planète. Insight, SAIS, va donc, on l'espère, permettre de répondre à ces questions absolument fondamentales. Et je voudrais que tous ensemble, on remercie très chaleureusement les deux initiateurs de cette mission, de cet instrument. C'est Philippe Lemonnet et Francis Rocard. Merci à tous les deux. On se retrouve donc dans un mois, le 21 avril, pour parler de catastrophes naturelles et de la manière dont les satellites peuvent aider à mieux les gérer. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois. À bientôt. Au revoir. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.